pour une 5e saison encore plus folle. Goustique. Hey Jamy, t'as vu ce que je viens de trouver? Oh, une châtaigne. Oh, t'as déjà vu une châtaigne de cette taille? C'est un hérisson. Kogumaza. 12 cm pour seulement 350 grammes. Et il a pas un poil sur le caillou. Elki. Cet animal a l'étrange particularité d'avoir deux pattes plus courtes d'un côté que de l'autre afin de progresser aisément sur des pentes abruptes. Dandy. Passe un temps fou à se toucher, à se renifler. Tagazou. L'animal se met à absorber de l'eau, beaucoup d'eau. Il va gonfler, gonfler, s'épaissit et durcit. L'infernal. Ça y est, Jamy, regarde, j'ai trouvé mon bonheur. 4 mètres de long, 40 kilos. Quelle bande de dégénérés. La voix du guide. Tous les mardis, 19h21 sur Eau de Radio. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 5. Mesdames, messieurs, nous sommes en direct, on est parti pour 1h30 voire 2h de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor. Moi ça va mieux, ça va beaucoup mieux en fait. La semaine dernière, pour tout vous dire, j'ai eu une extinction de voix, mais un truc de malade. On a eu la bonne idée d'aller à la piscine et pendant 2 semaines, mais j'ai cru que j'allais crever quoi. Et pour ceux qui étaient sur les streams, parce que j'ai quand même streamé, hein, mais c'est une cata. On aurait dit un mélange d'un castrat et de... Mais genre, tu sais, quand t'as la voix qui fait... ça part dans les aigus, après ça part dans les graves. C'était la catastrophe. Donc voilà, on est de retour en direct, en pleine forme, et ça c'est cool. Bon programme ce soir, mesdames, messieurs. On est aussi, comme d'habitude, en live sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Il y a des caméras dans les studios, c'est magnifique. Wouh! Yes, aïe. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à Facebook, Twitter pour nous laisser des messages. Eh oui, carrément, mais je vais vous présenter mes petits camarades. Et puis voilà. Alors attendez, juste une seconde. Alors Kevin, si t'es sur le chat, arrête de m'envoyer des messages privés, va sur le chat. Normal, je vais pas avoir le temps de répondre. Voilà, bref. Va chercher des pâtes, hein? Ramène-moi des pizzas, c'est ça? Ouais, non, mais il me parle en même temps en fait. Mais on est en direct à la radio, mon poulet. C'est compliqué, voilà, je peux pas être partout. Yes, en tout cas, il y a du monde sur le chat un petit peu là, on embrasse, oula. Alors moi j'adore les pseudos qui sont vert fluo. Et en plus c'est Léa. Alors là, parce que c'est absolument illisible. Alors il y a Marator, il y a Léa justement, il y a Sgrog, il y a Nathan, il y a Orient, Fern, salut à vous, tac tac tac, et puis c'est à peu près tout. Il y en a plein. Il y en a, ouais, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Donc voilà, hein. Puis voilà. Pourquoi ils sont tous là, ça, je me demande. C'est une bonne question. Une bonne question. Je me demande aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des messages. Et puis moi, j'irai tout en direct. Voilà, bref. Bon, apparemment, il a pas compris. On est vraiment une équipe de bras cassés. Bref, évidemment, non, je ne suis pas seul. Comme chaque semaine. Il est là, il est beau, mesdames, messieurs, Tagazou. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, je ne serai pas le candidat qui délaissera les geeks et les geekettes. Je serai le candidat qui vous amènera jusqu'au bout. Moi, voilà. Je serais tenté de dire... J'ai trop regardé le débat présidentiel. Votez Tagazou. Je parle... Votez Tagazou. Alors, c'est quoi ton programme? Du jeu... le jeu minimum universel. C'est-à-dire 3 jeux que les constructeurs devront donner chaque mois. Pour tout acheteur de console. C'est-à-dire que dans 1 an ils sont tous ruinés. Ouais, c'est, voilà, ça. C'est ça. Le jeu vidéo dès la maternelle. Le jeu vidéo dès la maternelle. Dans les biberons, on mettra des cartouches de Switch pour le goût, pour qu'ils s'habituent. Pour le goût, ouais. Bon, t'as joué à quoi cette semaine? Encore Zelda. Oh putain, Zelda. Bah ouais. Parce que en fait, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai vu un article d'ailleurs sur Félicité, journal du ouais, gamer. Carrément. Que ce jeu intéresse beaucoup les casual gamers. Oh yeah. On va en parler de ça. Voilà, en fait, je me suis aperçu que, voilà, sur l'article, c'était sa copine qui joue pas aux jeux vidéo. Et moi, c'est ma fille. Et oui. Qui ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Et elle peut passer, mais des heures et des heures, pour ceux qui connaissent au relais de la forêt où il y a les chevaux. Voilà, elle monte sur une montagne parce qu'en fait, ils ont pas les mêmes objectifs que nous. Et oui. Ils sont pas à la recherche de quêtes, tu vois. Est-ce qu'elle a conscience qu'il faut sauver le monde? C'est non, ça l'idée. Non, elle est là pour, voilà, elle monte une montagne, elle fait pourquoi t'as monté la montagne, il y a rien à faire là-haut. C'est joli papa. D'accord, comment on dit ça, la candeur voilà. Infantile. Et ce jeu pousse à faire ça, c'est-à-dire à se déguiser, à mettre d'autres habits pour Link, et à passer des heures à essayer de chercher des, je sais pas, des pommes. Voilà, c'est un peu leur Sims à eux. Alors, il y a tout le monde qui dit Tagazu président, ils ont tous envie de te bourrer l'urne. Ah, et ben ça tombe bien, alors bourrez-moi l'urne, allez-y. Allez, bourrez-moi l'urne. Gros. Pour Tagazu, ça lui fera plaisir. Ouais. Yes. Et puis il est là, et puis il va nous rejoindre. Il va rejoindre l'équipe, et d'ailleurs, j'ai un petit message à vous passer après. Il va rejoindre l'équipe de temps en temps quand son jour de congé va tomber le mardi, donc ça c'est très bien. Et c'est Quentin, DRGB. Je t'envoie les applauses, allez. Merci à toi. Appelé aussi Wayne, alors comment t'appelles, Wayne ou quoi? Ah, comme tu veux, hein. C'est on peut. Oh, appelez-moi Wayne. Wayne. Oh, Wayne. C'est juste flatter mon ego. Ma voilà. Ah non, mais on peut, comme tu veux, on a tous des pseudonymes. Voilà, ben, pseudonyme Wayne. Wayne. Eh ben, c'est noté. Oui, Tagazu n'est pas mon vrai prénom. Oh, je suis déçu. Je te rassure, l'Infernal non plus. Je suis toujours connu comme ça, je connais même pas ton vrai prénom. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup qui connaissent pas. Ouais, ouais. Yes, ça c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Bon, comment ça va? Ben, écoute, ça va très bien. Ouais. Comme tu l'as dit, jour de repos, donc j'en ai profité pour bosser 2-3 petits trucs pour ce soir. Jouer un petit peu, et puis voilà. Yes, mais tu joues à quoi du coup? Alors en ce moment Overwatch. Ça, encore? Ouais, enfin, j'arrête, le mec, pas, j'arrête pas. Et là tout à l'heure on a testé avec ma petite femme un jeu sur PS4 que j'ai récupéré, c'est Zombie Viking. Ah oui, oh oui, oui, oui, tu peux y jouer à 4 même. Ouais, ouais, ouais, carrément. Jusqu'à 4 et bah écoute. Bien fun. Ouais, c'est un bien peu fun. Dans l'esprit, un peu dessin animé, presque à la Rayman, quoi. C'est ça, Bibine qui m'avait fait acheter ça il y a 1000 ans, on l'avait payé le prix fort, on n'y a jamais joué, quoi. Ah ouais, mince. Ouais, merci carrément. Bibine. On n'a jamais eu le temps, quoi. Et en termes de décor, on est un peu sur du Mario Paper. Le perso est plat, et puis on évolue dans un décor assez fun, coloré. C'est assez foufou, hein. Ouais, c'est assez. Pas mal. Quoi. Les personnages et les combos sont assez fous, quoi. Yes, alors on nous dit, tiens, il y a Kevin, Warfighter et Marator qui disent oui, moi aussi je veux passer les voir, mais vous pouvez venir quand vous voulez. On peut faire des émissions en public. Je salue d'ailleurs Marator, avec qui on a fait, puisque la semaine dernière tu étais donc à Faune. Je suis allé faire un quiz, sans les citer, si je vais les citer, Meldon, random, voilà, comme ça on cite les deux. On a fait un quiz années 80, blind test années 80. Oh là, t'as dû massacrer tout le monde, non? Bah non, j'ai fini deuxième à 0,25 points. Non, 0,25 points, je sais même pas comment. Comment vous comptez les points? 0,25. Ah ben, un point par bonne réponse, mais apparemment quand c'est sympa qu'il trouve la réponse sympa, il met que 0,75. Donc je sais pas. Cette note. Non, et tu sais où j'ai chuté? C'est au groupe des Gardiens de la Galaxie, Cherry Bomb, je sais pas si tu connais. Ah oui, oui. Ouais. Et ben le groupe, comment il s'appelle? Et ben voilà, je savais pas. J'étais Mon pote Vincent qui saurait ça. Ah ouais, bah c'était The Runaway, voilà. OK. The Runaway et je savais pas et je m'en rappelais plus et voilà. Alors c'est vrai que les Gardiens de la Galaxie pour faire des blind tests, c'est nickel quoi. Ah oui, alors, là, si t'es pas né dans les années 70, il avait mis un beau habillage Gardiens de la Galaxie, j'ai trouvé ça bien sympa. Et du coup, ben non, c'était sympa, tu vois, comme quoi j'ai pas chômé, pas d'émission, mais j'ai trouvé d'autres activités bien sympas. Donc alors, je salue. Yes, mais carrément. Alors on nous dit, Wayne, qu'on t'entend un petit peu moins. Alors, ça, c'est normal, en fait, c'est le syndrome, pas encore l'habitude de bien parler dans le micro et tout, donc ça va venir, hein. Il a pas, moi je gueule dans mon micro parce que j'ai envie que la France m'entende! Mais voilà, ça va venir avec le temps, donc je t'ai monté un petit peu plus fort, comme ça, normalement tu seras bien limpide à l'antenne. Y a Marator qui fait, ouais, c'était monstrueux, un cheveu de la victoire, il a géré le Tagazu. Voilà. Un cheveu de la victoire. Allez, je t'envoie les applaudissements. 0,25. Incroyable. Incroyable. Yes. Et puis, bah, moi non plus. Bon, j'avais plus de voix, mais j'ai pas chômé non plus. Et, ça m'a pris comme une envie de pisser, comme dit l'expression populaire. Je me suis refait Uncharted 4. En stream. Ah ouais. Et sans déconner, je pense qu'Uncharted 4, franchement, quand je l'ai terminé, j'avais presque les larmes aux yeux, quoi. Et tu vois, je t'en parle, ça me dresse les poils, et je pense sincèrement qu'Uncharted 4, c'est le plus beau jeu de l'univers, quoi. Honnêtement, vraiment. Actuellement, il n'y a rien de mieux. Par contre, la PlayStation 4, t'as l'impression qu'elle va partir d'un coup, tu sais, elle est en mode sèche-cheveux, mon pote. Mais franchement, je pense que c'est le jeu le mieux écrit, le plus joli. C'est, sans déconner, c'est un générateur à émotions ouais, et de capture d'écran. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, Uncharted 4, si vous l'avez jamais fait, c'est d'une beauté rare. Puis on refait The Last of Us aussi en stream, parce que oui, on fait plein de choses. Et puis demain, on commence Ukulele. Alors, je l'ai commencé un peu. Franchement, c'est sympa. Par contre, c'est à l'ancienne de ouf, hein. Ah. Oh. J'ai vu des vidéos, mais j'ai pas encore. On fera le test. Alors pas la semaine prochaine, celle d'après. Et alors par contre, c'est sympa, mais la musique elle casse la tête. Ah, c'est un truc de fou. Il y a une boucle et elle tourne en boucle, mais genre elle a fait 3 minutes quoi. C'est terrible. Mais par contre, c'est vachement bien. C'est vraiment à l'ancienne, à la Mario 64. T'arrives, tu sais, comme dans les vieux jeux en 3D, t'as la caméra qui se déplace, qui te montre un petit peu tout le niveau, machin et tout. Franchement, c'est pas mal. C'est très coloré. Bref. Et puis voilà. Ce que je voulais dire, c'est que On recrute un peu dans la voie du geek. Donc si vous êtes chaud, que vous êtes hyper balèze en jeu vidéo ou pas, que vous aimez bien faire les cons, que ça vous dit de faire de la radio, pourquoi pas, eh ben écoutez, envoyez-moi un petit message en privé sur la page Facebook de l'émission, et puis on peut voir ça. Voilà, on cherche du monde, donc pourquoi pas. Voilà, l'appel est lancé, n'hésitez pas. Alors on nous demande c'est quoi MP, ça veut dire message privé. Voilà. Qui peut demander c'est quoi MP? C'est Kevin Warfighter, mais c'est un bordelais aussi. Ah. Yes, et puis voilà, ce soir bon programme, comme d'hab, on se fait toutes les news jeux vidéo de la semaine. À la nuit on s'écoute Snoop Dogg versus les Doors de Need for Speed en The Grand 2. C'est vrai que la fois précédente on l'avait passé un peu à l'arrache, on n'entendait pas très bien. D'accord. Là on va se faire un kiff, on va le balancer cash. Wow. Après la nuit, on se fait un petit débat les enfants sur les trophées. Alors j'espère sincèrement qu'il va passer un peu sur le chat. C'est Masamuneto. On a eu un débat un peu musclé sur l'usage des trophées, des succès en fait dans les jeux PlayStation. Ça risque d'être musclé, je pense aussi ce soir. Parce que voilà, il y a plusieurs écoles. Alors on va se faire un petit débat là-dessus. Est-ce j'espère que ça sert que Kogu sera là. Ben oui, carrément. Parce normalement, que c'est oui. Un roi des trophées. Il y en a aussi sur RGB. Je sais qu'ils débattent souvent de ça. Voilà. C'est vrai. Tout ça. Ils donc on bien, va en parler. Ils aiment bien finir les jeux, les platiner comme ils disent. Ben voilà, carrément. Donc du coup voilà. Donc j'ai prévu plein de trucs. On a plein de questions. Comment le trophée a été créé? Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Voilà, j'ai plein de choses. Et puis j'ai noté des petits trophées un peu couillons aussi qu'on a croisés dans des jeux des fois. Je pense à Deadpool par exemple. Tu mets le jeu dans la console et t'as le trophée. Ça c'est cadeau. C'est pas mal. T'arrives au menu de Deadpool. Ça aussi c'est cadeau. T'as pas lancé le jeu, t'as déjà deux trophées. Déjà donc, t'es dans l'ambiance. Voilà. Donc tu sais, il y a plein de petits trucs couillons. Je les ai notés. Donc je pense qu'on va rire. On va se faire ça. À 20h, on s'écoute encore un morceau de Snoop Dogg. Ouais, c'est ma phase. Avec, je me suis trompé en notant le nom. C'est Sensual Seduction. C'est So 80. Wow. Quoi. Ah, je pense si tu connais pas le morceau, tu vas kiffer, ta gars. Ah, c'est sûr. C'est un truc de fou. Et puis après 20h, on va vous parler de Kona. C'est un petit jeu sympathique qui se passe au Québec. Un petit jeu d'aventure, franchement, qu'on vous conseille grandement. On a vraiment bien déliré à le faire avec Kogu. Donc, on va vous en parler. Voilà. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Oui, vas-y. Alors, franchement, cette semaine, moi, j'ai des news ultra croustillantes, mais qui m'ont fait rire. Mais c'est un truc de fou. Ah. Voilà, je tease. Allez, c'est parti. J'envoie la musique des news et on fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Allez, c'est parti. Ah, on nous dit sur le chat, c'est Kiwi qui nous dit le platine, c'est la vie. Ah là, tu vois, déjà ça va. Ouais. C'est polémique, ça déjà. Commence. Ça ouais, commence. Ouais. Est-ce que tu veux un coup de gueule ou une petite news? J'ai un petit coup de gueule à passer. Bah vas-y, balance. Attention, ça balance. Oula. Sur les bandes d'annonces de Marvel récemment, entre. Là, j'ai vu Thor Ragnarok, ah oui, je sais pas si tu l'as vu. Si, ouais, okay. Et j'ai vu Gardien Galaxy 2, volume 2. Ah, j'ai 2, rien regardé, moi encore. Eh ben, il faut pas. Ah ouais. Il faut pas parce que Marvel, là, je sais pas ce qui leur prend, mais ils mettent trop de choses dans leur. Alors, je vais pas donner des indices pour ceux qui les regardent pas, mais ne les regardez pas, s'il vous plaît. Allez voir le film, surtout si voilà, Gardien de la Galaxie, vous avez aimé le 1, pourquoi le 2 serait voilà, ça vous sert à quoi? Si la première bande-annonce était toute légère, toute mignonne, là, alors la deuxième, ils te disent tout, ils te font voir voilà, le film à fond, quoi. Ils teasent trop le film, et je trouve que voilà, qu'est-ce qui va nous rester quand on va regarder le film? C'est le problème. Effet de surprise, il y en aura pas. Donc c'était mon petit coup de gueule. Ouais, même si Thor Ragnarok sur le coup, voilà, même s'ils en ça montrent, donne ça donne envie. C'est ça la donne fin de la vidéo. Je peux comprendre qu'elle voilà, spoil pas mal de monde. Ah ouais, ah ouais, merde. Ouais, ouais. Donc ça donne envie. Et d'un autre côté, ne la regardez pas si vous aimez Thor. Allez-y direct. Passez pas par la case départ. Prenez pas la bande annonce. Ouais, prenez pas les 20 000 euros. Il y a voilà. Léa qui dit ne critique pas Thor. Il me tarde. Ça a l'air d'être une tuerie. Oui, je critique pas Thor. Hein, je critique oui, la bande annonce qui en montre un peu trop. Voilà. Et depuis, voilà, Gardien de la Galaxie aussi. Donc ça en fait deux là. Marvel, ils prennent l'habitude de t'en montrer un peu trop. Ils en montrent trop. Ouais. Sachant que c'est pas Marvel qui fait les bandes annonces. Attention, alors ça c'est un truc que peu de gens savent, c'est comme ce qu'il y a écrit sur les, alors ça fait polémique aussi il y a quelques temps, c'était pas pour un film, je crois que c'était pour une pièce de théâtre. En gros, c'est des sociétés privées qui font les bandes annonces en fait. C'est pas en interne. Ben, s'ils nous écoutent, s'ils écoutent la voix du geek, qu'ils arrêtent de mettre. Mais tu penses qu'ils trop c'est pas contrôlé par Marvel annonce. Ou par je la société. Je pense qu'ils donnent leur aval, mais c'est pas eux en oui, interne qui font. Mais c'est valable pour tous les films au cinéma. Je serais le réalisateur, je serais dégoûté de voir ça dans la bande annonce. Ah oui, s'ils en mettent trop. Alors je pense que c'est au niveau de la production, ils doivent mettre la pression parce que voilà, il faut en dire trop, il faut que ça marche, il faut que. Il faut vendre du rêve. Donc ouais, mais ils peuvent vendre du rêve avec un petit peu voilà, sans mettre trop de choses. Le problème c'est qu'il y a des gens comme nous où ça va déranger parce que ça nous spoil un peu le contenu. Et après il y a d'autres gens à qui ça va dire oh, putain il se passe ça. Et oui, il y en a que voir, ça dérange peut-être moins. Voilà. Et ouais, je pense qu'il y a deux. Là trois, franchement dans les bandes annonces que j'ai vues ils en disent vraiment trop. Ah ouais, c'est Marator qui nous dit ça. Il fait oui c'est difficile de donner très envie sans spoiler. Et c'est ça l'idée. Et le truc, c'est ce que je voulais dire. Le truc, c'est que parfois sur les affiches, il y a écrit genre Allociné, allez-y, c'est une bombe, machin. Et ben c'est même pas Allociné qui écrit ça. Ces petites accroches, c'est une société privée qui écrit ça au nom de les trucs. Et souvent, quand tu lis la critique d'un site, il y a même pas la phrase dont est tiré le dos. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Ouais, et en fait, il y avait une grosse. Attirer le chaland. C'est ça. Il y avait une très grosse polémique. Je crois que c'était un film d'arrêt d'essai ou un film français, je sais plus très bien. Où c'était genre sur l'affiche, ce film est une balle, c'est un truc de dingue. Signé, ça venait d'un compte Twitter en fait d'une nana. Et en fait, il y a des gens qui ont vérifié le compte Twitter n'existe pas. Voilà. Donc voilà, tu vois. Donc c'était mon petit coup de gueule. Après voilà, c'est rien de. Je fais ma news maintenant. Vas-y, vas-y. Ah, mais carrément. Alors, vas-y. En fait, moi je voulais vous parler. Alors attention parce que c'était très très drôle. C'est la commission générale de terminologie et de néologie qui s'est penchée. C'est ça. Tu l'as aussi cette news qui s'est penchée sur le petit monde du jeu vidéo. Alors là, attention messieurs dames, on va rigoler parce qu'ils ont voulu traduire. Ah, ouais. En fait, ce sont des gens qui ont que décidé ça foutre. Qu'on que ça foutre, oui, qu'on décidé qu'il y avait trop d'anglicisme dans la langue française et surtout dans le monde du jeu vidéo, forcément vu que bah c'est quand même à l'origine voilà un peu anglo-saxon, mais bon, oui. Voilà, ils ont décidé de tout traduire en français. Donc c'est parti. Par exemple, maintenant nous ne disons plus hardcore gamer, mais il faut dire hyper joueur. Je suis un hyper joueur. Non mais j'ai la liste aussi. T'as la liste. Moi ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont réussi quand même les mecs à remplacer le terme buzz, ouais, par ramdam. Ramdam, oui, voilà, c'est ça. Bravo à eux. Ça fait du ramdam. Hein. Ah, en ce moment, j'ai une vidéo qui a fait du ramdam sur internet. Non, mais ils sont sérieux. Il faut du ramdam. Game level designer, encore ça va, c'est concepteur de niveau de jeu. Tu vois, il y en a, il passe. Ça se tient. Il y en a, ça se tient. Voilà, jeu de rôle MMORPG, jeu de rôle en ligne multijoueur de masse. De masse. Ça me fait penser au sketch. De qui veut gagner de l'argent en masse. Qui veut gagner de l'argent en masse. Il y en a qui est très drôle aussi. Jeu de tir en vue objective. Encore, ouais, ça se celui-là. Tient. Ouais, mais en vue objective, c'est hyper chelou. C'est chelou, ouais. Jeu de vue objective. Jeu de tir en vue subjective. Alors, attention, là, c'est FPS. Donc voilà, il y en a plein. Bon, jeu grand public. Casual game. Jeu vidéo en réalité intégrée. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pour l'alternated reality gamer. Alors, je sais même pas ce que ça veut dire en c'est anglais. C'est peut-être la réalité augmentée. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, jeu vidéo en réalité intégrée. Il y en a un qui est énorme dans la liste. C'est binge-witching. Donc, c'est le fait de consommer énormément de vidéos. Ça devient le visionnage boulimique. Voilà. C'est terrible, putain, mais. Mais voilà, enfin, ils ont que ça à faire. Donc, vivement la prochaine liste. Hein, il y en a un qui est magnifique. Pour voir si la commission va voilà, franchiser la LAN. Ils l'ont pas mis, la LAN, mais non. Voilà, ça va être sympa. Ils ont remplacé spam par pourriel. Donc c'est la contraction de pourri et de courrier. Ah enfin, oui. De courriel. Ah oui. Pourriel. Ils s'amusent. Ils sont sérieux. Rien que le nom de la commission m'a fait rire, moi, de terminologie et de néologie. Tu vois, la commission générale de terminologie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont payés grassement à faire ça. Aïe. Donc ben, voilà, ouais. c'est sympa. Vivement la prochaine liste qu'on rigole un peu. Ah ouais, non mais grave. Yes. Eh ben vas-y Quentin, je t'en prie. Ah, moi, ça va être un peu plus rétro. Hein. Bah, vas-y, forcément. Normal. Mais écoute. Comme on en avait dit. Salut Kalan23, welcome. Et salut. Alors, attendez, il y a tu plein vois, de nouveaux. Il arrive vite. Kalan, début de... voilà, directement, il arrive quand je parle. Salut Shunray. Salut R4D1. Kalan, 413. C'est Chris qui était avec nous la semaine, il y a 15 jours. Ouais. Ok, yes. Allez, vas-y, je t'en prie. Bah, je pense que vous l'avez tous vu. On est dans la période présidentielle. Non. Non. Alors, ah pour, bon d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent personnellement, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, depuis que la campagne a commencé, j'en ai tellement plein le cul de voir que des trucs de politique que j'inonde ma page de GIF. Ah ouais. C'est pour ça que du jour au lendemain. C'est donc pour ça? Oui. D'accord. Donc tous les jours, j'en mets une quinzaine. C'est pour ça que je suis bloqué. C'est histoire de. Non, du coup, honnêtement, je m'intéresse pas à la politique. Hein. C'est juste le petit jeu qu'ils ont sorti par le parti de Monsieur Mélenchon, Fiscal Combat, en jeu flash. Je l'ai testé. Ils sont sérieux. Et bon, on est dans du rétro, quoi. Ça ressemble à du Street of Rage. C'est vrai. Beaucoup moins détaillé, bien sûr, mais dans l'ambiance, on y est. Et genre, tu joues Mélenchon et on tout. On joue Mélenchon qui va piquer dans les poches des autres politiciens véreux. On tombe du Cahuzac, du Fillon, du. Tout ça peut le faire, ça. La politique. Et puis ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on avance dans le jeu, on pique un petit peu d'argent, et à la fin, il y a un décompte de toutes les parties qui ont été jouées jusqu'à présent, et à la place du score, il y a écrit remboursement de la dette publique. Avec tout l'argent qu'on a accumulé sur la ça, partie, c'est drôle, cumulé ça. À l'autre argent cumulé de toutes les autres parties. Donc ça m'a fait rire. Bon, bien sûr, après, voilà, c'est pas pour inciter telle personne ou telle personne à voter pour lui ou pour un autre. Ça, je m'en fous. Voilà, ça c'était la petite news qui m'a fait marrer cette semaine. Yes. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais. Ah bah attends, vas-y, j'enchaîne. Ah, attends, on fait une chacun. Vas-y. Moi, j'ai un truc qui m'a tué de rire. C'est encore la fameuse PETA, qui elle aussi visiblement n'a que ça à branler. Hein, donc la PETA, on rappelle ce que c'est l'association américaine People for the Ethical Treatment of Animals. En gros, c'est un peu. Comment on appelle ça? C'est pas les 30 millions. Bah, Brigitte Bardot, ouais, chez c'est nous, un peu hein, l'idée chez nous. L'idée. Ouais. Et donc, en gros, bah, eux, dès qu'il y a un animal qui est un peu maltraité dans un jeu vidéo, eh ben, il faut qu'ils écrivent un article. Ils comprennent pas que c'est un jeu vidéo, c'est tout. Alors, ça. On en avait déjà parlé récemment parce qu'en gros, ils se plaignaient que dans les jeux Warhammer, les personnages portaient des peaux de bêtes. Et donc, ça incitait les gens peut-être à aller dans la forêt, tu vois, on sait jamais si un jour t'es un peu bourré. Ils avaient pas aimé aussi le Tanuki dans Mario Bros. Dans Mario Bros, il y avait ça, et ils nous avaient aussi un petit peu gonflé les couilles avec le quand tu chassais la baleine dans Assassin's Creed Black Flag. Et donc là, on l'avait testé dans l'émission, dans le jeu 1 de Switch, donc le party game qu'il y a sur la Nintendo Switch, tout fraîchement sorti. Eh ben, il y a un jeu où on traite des vaches. On traite des vaches. Voilà. Et visiblement, bah, c'est pas de leur goût. Parce que, alors c'est terrible, alors c'est un gros pavé et tout, mais je vous résume, en gros, nous avons plus de 35 ans d'expérience dans l'investigation des fermes laitières où les vaches sont exploitées pour leur lait, et ce n'est jamais plaisant pour ces animaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu de réalisme, s'il vous plaît? Donc après, ils partent dans des palabres, un peu genre, voilà, bon, ils expliquent, c'est vrai que, enfin, clairement, les vaches, voilà, les pauvres, c'est pas simple pour leur piquer le lait, en fait, voilà. C'est des machines, hein. C'est des machines, on leur emmène un veau, enfin, voilà, c'est assez compliqué, on va pas rentrer dans les détails, mais, ce qui est assez génial, c'est qu'ils proposent quand même une alternative à Nintendo, c'est qu'ils ont dit, si vous pensez que cela est trop macabre, nous suggérons qu'au lieu d'édulcorer ce sujet, Nintendo simule des activités où aucun animal ne souffre. Par exemple, un jeu où l'on extrait du lait des amandes pour être très fun. Ouais, voilà. D'accord. Votre équipe est-elle assez courageuse pour affronter la vérité? Oh là là. Ouais, bravo, bravo. On embrasse la PETA une fois de plus, qui est juste magnifique. Après, on va avoir le droit à la déforestation contre les amandiers, on va avoir le droit à tout. C'est terrible, quand même. Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier? Mais quand ils vont comprendre que c'est pour de faux? Non, mais sérieux, je pense que c'est fait un petit peu exprès pour faire un peu de buzz aussi, tu penses pas? Ouais. On attaque les jeux vidéo comme ça, les gamers en parlent, et puis comme ça, on n'oublie pas que la PETA est là, quoi. La PETA, oui, parce qu'ils font d'autres actions quand même. Ils ont des actions quand même intéressantes. Oui, non, clairement. Moi, on je les vois beaucoup dire, sur des vrais sujets. Quoi. Voilà, des vrais sujets comme porter de la fourrure et tout. Oui, je suis totalement avec eux. Ah oui, pareil, pareil. Mais, voilà, c'est vrai que dans les jeux vidéo, à chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils lancent un truc, c'est un pétard. Et puis là, on parle à un jeu. Un jeu où c'est un jeu où on s'amuse en soirée. Mais oui, non, mais ils ont pas compris, simule, je pense. Et en plus, le jeu vidéo, je pense qu'ils ont pas compris. Alors, on nous dit sur le chat, qu'est-ce que ça doit être s'il voit God Simulator. C'est vrai qu'ils s'y sont pas attaqués, le jeu. Pauvre chèvre qui se fait trimballer de tous les côtés. On n'y pense pas. Oh putain, il y a la meilleure vanne là. Attends, il y a la meilleure vanne. J'envoie les applauses, mais hyper fort. On nous dit, faut mettre la PETA à l'amende. Je pense que t'as cassé l'émission là, on n'aura pas mieux ce soir. C'est Calan. Oui. Ah bah si on peut, voilà. On risque d'avoir mieux avec lui. On peut avoir mieux. Hop, c'est tout pour moi, merci. Allez, vas-y, t'as gâché ton prix. Et ben moi, je voulais parler du prix de la Switch réelle, de fabrication. Ah, c'est elle a fuité, et puis ça explique souvent un petit peu la stratégie commerciale qu'a le constructeur quand c'est le prix ça, de revient. Et donc, ça aurait fuité au niveau du Nikkei, c'est-à-dire la bourse japonaise. Ça serait de $257, soit, alors, vu qu'elle est vendue $300 aux États-Unis, donc juste $43, il se ferait de bénéfices. Donc ça explique que Nintendo a toujours cette stratégie de faire les consoles très très basses, presque au prix de la fabrication, ouais, pour pouvoir après marger sur les accessoires. Oui, on le voit au prix ou sur les accessoires. Ah, putain, oui. Je pense qu'il marche beaucoup. Et les jeux aussi, je pense que voilà, il marche un petit peu sur les jeux. Donc du coup, ne vous attendez pas à une baisse énorme de la Switch, en sachant que ça coûte quand même $257. Vous aurez peut-être un jeu pour $300 de plus. Ça, je pense qu'ils peuvent le faire avec un pack bundle, Splatoon ouais. 2 ou ouais, Mario Kart Deluxe ou même Zelda. Il y aura peut-être un pack Zelda qui arrivera à Noël. mais qu'elle baisse de prix en dessous à 250 euros à perte, par exemple, c'est interdit. Parce que je vous rappelle l'euro en tubage, hein, c'est-à-dire 257 dollars, chez nous ça fait 257 euros, même si le dollar et l'euro sont pas au même prix, hein. Eux ils payent 300 dollars c'est-à-dire moins cher, et nous 300 euros en tubage, 300 euros, voilà. Alors que le dollar n'est pas du tout au même prix que l'euro, mais c'est comme ça, c'est l'Europe. Ouais, c'est intéressant comme news. Donc voilà, donc vous saurez qu'il faut peut-être pas attendre si vous voulez une Switch. Après voilà, si vous voulez pas jouer à Zelda, il y a pas beaucoup de chance en ce moment. Bah non. Même la pub. Alors on se posait la question parce que j'ai vu la pub de Mario Kart Deluxe et au début ils disaient pas qu'elle était que ça ne sortait qu'au 28 avril. D'accord. Et ils disaient Mario Kart Deluxe et ils disaient même pas disponible actuellement. Ils disaient rien du tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû aller au magasin et demander, ah oui, il est arrivé, ah bah non, il arrive qu'à la fin du mois. Donc, ils ont rajouté, sur la dernière pub que j'ai entendue, ils ont rajouté disponible le 28 avril. Ah, ils ont rajouté. Ou le 24, je sais plus. Yes. Voilà. Alors, est-ce qu'il te reste des news, Quentin ? Ah, pas casse. Yes, et ben on va les faire après le Scud, sinon on va être en retard. Aucun souci. Qu'est-ce qu'on s'écoute en premier ? On va s'écouter Need for Speed, tiens, ça va faire du bien. En plus, si tu nous écoutes en voiture, ça c'est toujours un kiff. Il y a peut-être, Kogu qui est dans sa voiture justement, et qui va kiffer. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek, et nous revient juste après. Alors, c'est un morceau de Snoop Dogg featuring les Doors, c'est le truc improbable, et c'est tiré de Need for Speed en deux grandes deux. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. Hey yo, yeah, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, test roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. I like a G, without his chrome. It's hard to imagine. The homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean, I do it upper class. So fast in your seatbelts. It's so hot, it'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride. Slip through the storm. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will. running to the trees. I see things that I never would have saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tire smoking up the whole street. And now the police wanna flash their lights and chase the dog all night. But I won't pull over, nor give up, cause I just don't give up. Yeah, I'm from the side, boy, where we was born and raised. Straight up to ride, boy, continuously. We get to it expeditiously. We keep the light on, east side on. Snoop Dogg in the doors, and yeah, we about to ride. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. La voix du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Allons, on est de retour toujours en direct dans La Voix du Geek sur O2 Radio 411.3 en Aquitaine et sur O2Radio.net pour le reste de la Gaule. On est aussi en live sur Twitch, twitch.tv/La Voix du Geek, la voix avec un E. Vous pouvez nous laisser des messages et il y en a beaucoup qui étaient en train de se dire mais qu'est-ce que j'ai passé du temps sur le menu de Need for Speed. Mais grave, c'était du bon son ça. Bon, j'ai coupé un peu parce que en fait c'est une boucle hallucinante quoi qui dure 127 heures si on veut. Donc voilà, bref. Vas-y Quentin, tiens, si t'as encore quelques petites news. Ah bah y a Kogu alors. Au pire pendant Quentin fait ça nous. Yes, merci mon poulet. Quelle organisation, c'est un truc de ouf. Allez, je te renvoie la bande son. Et puis vas-y, comme ça il arrive pile au moment, puis on va faire le petit débat juste après sur les trophées. Et après 20h on vous parle de Kona. Allez vas-y, je t'en prie. Ça marche. Alors vous le savez peut-être, le 30 juin arrive le fameux Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ah oui, c'est vrai. Sur PS4, qui reprendra les trois premiers opus sortis sur PlayStation 1. Et à cette occasion, ils ont sorti des petites news bien sympas sur le jeu, à savoir qu'il y a eu 40 millions d'exemplaires de jeux Crash vendus dans le monde, sur tous les continents. Ah ouais, joli. Quasiment 41 millions. Un total de 18 jeux différents créés depuis 1996, avec quelques bouses hein, quand même, hein, faut bien l'avouer. J'imagine. Dans la première trilogie, ils se sont amusés à, quand ils ont repris le jeu, ils se sont amusés à compter le nombre de boîtes qu'il y a à détruire. Vous savez, les fameuses caisses que Crash adore détruire. 6344 boîtes. Ok, yes. Sur la trilogie, donc je pense que ça sera un trophée. Ah oui, ça se tente, ouais. Il y a de fortes chances. Comme tu veux, mon poulet. Le rouge, si tu veux, comme ça, t'es pile. Allez, hop, nickel. Et est-ce que, alors là peut-être Tagazu, peut-être toi-même, est-ce que vous saviez le nom qu'il devait avoir à l'origine Crash? Non, je sais pas. Mario Bis, Mario pour PlayStation. C'est vrai que c'était un peu pour le concurrencer. Avec un renard. C'était Willy le Womba. Ah, yes. C'est un Womba. Ouais, ça sonnait moins bien quand même. Bah en fait, ils ont été obligés d'annuler ce nom-là parce que c'était le nom déjà d'un personnage d'un jeu genre sorti au Japon. D'accord, parce que ça fait un peu Willy Wonka presque. C'est un peu Willy Wonka. Ouais. Mais voilà, donc à l'époque, Naughty Dog avait dit stop, on coupe tout parce que sinon on va avoir un procès au cul. Et c'est surtout une petite news, là tu viens de refaire Uncharted 4, donc j'imagine que t'as fait le petit passage sympa. Et oui. Où on peut brancher la PlayStation 1 et jouer à Crash avec. Petit clin d'œil, ouais, qui voilà. Fait plaisir. Ah ouais, on peut jouer à l'épisode entier ou non. Non, il me semble que c'est juste un niveau, ouais. Le niveau où tu cours en fait avec la boule. Et ça a salement vieilli, putain. Ah ouais, mais ils l'ont bien retranscrit, je trouve. Ouais, ouais, non, carrément. Mais c'est un peu le trophée qui est lié d'ailleurs. Ah oui? Ouais, il faut battre le record d'Elena. J'en étais sûr. Ah, c'est bon. Tu commençais trop. Voilà, ça y est, toi, et je dans pense que voilà, avec ce ouais. jeu. Déjà le platine dessus, monsieur. Oui, je me doute. Avec la trilogie qui ressort, je pense qu'on va avoir le droit à deux ou trois trophées à faire, effectivement. Yes, carrément. Mais justement, tu parlais de Naughty Dog, ils sont en train de parler sur le chat. Ça y est, on a appris aujourd'hui. Donc, c'est The Lost Legacy sortira en août pour 39,99€. Donc, si vous avez le Season Pass, c'est comment on appelle ça, le stand-alone de Uncharted 4. Donc, ça peut être bien sympa. Tac tac tac. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Et oui, et en fait on a appris aussi que si on précommandait donc The Lost Legacy, on aurait la compilation de tous les Jack and Dexter de gratuit. Ah, ça c'est cool. Ça peut être pas mal ça. Sympa, ça ouais. Carrément, parce que les Jack and Dexter, ça pète du bon. Et il est là, mesdames, messieurs, il vient d'arriver, il est beau. Kogumaza. Bonsoir. Ça va, poulet. Voilà, vous pouvez aller vous coucher. Bonne nuit, les enfants. C'était une nounours. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Pom, pom, pom, pom, pom. Voilà, donc ça, seuls les plus vieux d'entre vous auront reconnu. Hein. Ah, les bisounours. C'est le mec qui est nul, quoi. Le mec a rien compris. Ben écoutez, ça va. Ouais. Alors, je voulais vous faire une sorte de trailer de ma journée, mais je me suis dit qu'après ce qu'avait dit Taga, j'allais tout vous révéler. oui, comme Marvel. Ça allait faire un flop, voilà, voilà, parce que j'ai une vie de super-héros, exactement comme eux. Ah. Les gens doivent savoir, mais attendront encore un tout petit peu pour que je révèle tout ça. D'accord. Ben écoute, voilà, je suis entre le super content d'être là et le super éclaté d'être là. Ben oui. Donc je sais pas lequel des deux va prendre pendant l'émission, en tout cas le reste de l'émission. Excusez-moi. Il va se transformer. Quoi. Mais voilà, sinon je suis toujours vivant et je m'en félicite et je suis content de vous voir. Yes. Bon, t'as joué à quoi du coup cette semaine? Alors moi cette semaine, ben pas grand chose. Alors j'ai fait, puisque du coup j'étais pas là également la semaine dernière, mais il y avait pas d'émission. Non, il y en avait pas. J'avais plus de voix. Donc du coup, ben je vais vous dire ce que j'ai fait sur les 14 jours. Alors le premier jour, j'ai mangé des coquillettes le midi. Ah. Non, en définitive, sur les 15 derniers jours, j'ai fait un peu des jeux sortis sur le PS Plus ce mois-ci, sachant que le seul qui m'ait prêté un réel intérêt était donc Drone to Death. On en parlera la semaine prochaine, parce que c'est quand même sympa. Hein. Il y a une vraie patte, et ne serait-ce que pour la direction artistique, le choix qui a été fait, je trouve ça juste ultra bien. Ouais, carrément. Donc ça mérite que les gens le téléchargent au prix qu'il est. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Du coup, bah, moi j'ai fait également le jeu dont a priori on va parler ce soir. J'ai fait Kona. Yes. Qui est quand même sympathique, hein. On va vous en dire un peu plus après 20h et tout. Mais moi j'ai vraiment bien aimé. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'on en parlera plus longtemps tout à l'heure. Mais le personnage parle en québécois avec un accent québécois, mais de ouf, quoi. Bah, à la fin. Pas le narrateur, mais le. Bon, bref, on en parlera plus longtemps. Voilà. Yes. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est. Vous avez. Dites-moi n'importe quoi. Une musique que je mets en fond pour le petit débat. J'avais pas d'idée, n'importe quoi. Allez-y, on est en live. Dual Fate Star Wars. C'est ça, ouais, carrément. Quoi. Chez des Valkyries. On peut choisir une musique qui met dans l'ambiance. Ça dépend s'il faut qu'on fasse un débat dramatique ou dans ce cas-là, tu mets quelque chose, un Carmina Burmana. Ouais, voilà, ce genre de choses. Non, une musique de jeu, n'importe, comme ça, qui vous vient à l'esprit. Actraiser, tu connais? Non. Eh ben, tape ça, voilà. Comment ça s'écrit? Actraiser. Voilà, ça n'a rien à voir avec. Actraiser. Voilà, Fillmore, ça s'appelle la chanson. C'est un jeu sur Super NES, alors. Voilà, c'est pour ça qu'il va. Ça n'a rien à voir avec les platines, mais bon. Hop, on est parti. Tac. Attention. On est en direct et c'est ça qui est bon. Le ré grave. Oh là, ça va être énorme. Donc on va parler un petit peu justement, voilà, des trophées. Mais parce que sinon ça va péter. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ok. Star Wars, on nous dit tabernacle. Salut Régisoc, tiens. Oui, il sort de sa grotte. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu. Et puis il y a Zanchin, tiens, qui faisait le coup de fil du PNJ, qui s'est acheté une PlayStation 4 récemment et qui commence ce gros cochon par Skyrim. Donc il met Skyrim, le jeu sans fin. Oui, ben bah, mon pauvre garçon, il là pas t'es fini, parti. Hein. Là, ça, quelques heures. Ça va être un peu long. Bref, on va parler un petit peu des trophées parce que sur Twitter, avec Masamuneto, on avait eu un petit débat un peu à ce sujet et on va faire un petit tour de table pour savoir, je sais pas, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile, qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi, est-ce que c'est pas un peu du remplissage parfois, mais juste avant, on va faire un petit tour de table. Tagazu, est-ce que c'est un truc auquel t'es sensible, toi? Alors, moi, j'ai une position qui change. Il est à quatre pattes. Que, hein. Voilà, oui, voilà, pour ceux qui n'ont pas dit. Je change de position. Voilà, je suis maintenant à quatre pattes. Non, c'est au début, je n'ai pas compris. Alors peut-être que c'est vieux con qui joue aux jeux vidéo, mais quand les platines sont arrivées, j'ai mon frère qui est quand même un hardcore gamer, qui est plus jeune que moi, et c'est un chasseur de trophées, un peu à la Kogu, même je pense niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il fait des trophées easy, c'est-à-dire il joue au Schtroumpf par exemple. Ah oui. Il a joué au Schtroumpf sur PlayStation 3 juste parce qu'il est facile le platine. Ouais. Tu vois ce genre de délire. Tout ça pour avoir sur son profil que des platines, beaucoup de platines. Et même s'il commence un jeu, il faut absolument qu'il le platine, même s'il est très très dur. parce que voilà, il veut pas laisser son gamer tag sans platine. Alors voilà, il a 23 ans, 24 ans. Moi, je suis beaucoup plus vieux, donc ce délire-là, je l'ai pas eu du tout au début. Et en fait, ce qui m'a fait changer d'avis, je pense, c'est des jeux comme Red Dead avec des trophées bien trouvés qui rajoutent de l'intérêt au jeu. Et un peu rigolo. Et qui rajoutent de l'intérêt au jeu, c'est-à-dire dans les mondes ouverts. Je trouve que dans les mondes ouverts, les trophées, ça rajoute un plus, un vrai plus. Et d'ailleurs, dans Zelda, je trouve que Nintendo aurait pu se pencher sur la question. C'est vrai qu'ils ont jamais, Ils ont jamais fait ça. Oui, mais bon, après, j'ai envie de dire, quand ils te font des jeux aussi bien que le dernier Zelda, ils ont peut-être pas besoin, mais ça aurait rajouté de l'intérêt. Franchement, je me suis dit, un petit peu de trophée. Le côté collectionnite. Voilà. Oui. Pour atteindre le côté collectionniste. Et puis un petit peu l'ego des joueurs aussi, hein. Faut bien le dire. Oui, hein, on va en parler justement. Vu, j'ai fait le platine. Ça montre que voilà, t'es pas. Alors je veux dire, il y en a qui ont fait les 900. C'est un peu pareil, hein. Les graines de coco. Les graines. Voilà, les gars qui ont fait 900, c'est que. Oui, voilà, alors là aussi, il faut rétablir aussi la vérité. À l'époque du jailbreak de la PS3, sont sortis des outils qui te permettait d'inscrire le jeu que tu voulais et d'en obtenir tous les trophées. Donc voilà. En fait, ouais, il y a plusieurs techniques. Enfin, concrètement, il y a. Alors, je ne remets pas en cause tous les trophées des chasseurs de trophées. Seulement, moi, il y en a. Si tu prends le temps de tous les jeux qui ont été faits et de tous ces trophées là. Concrètement, si tu calcules un peu, la personne, elle a commencé à jouer à 18 mois. Non, mais grave. Et elle a terminé là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Enfin, il y a des choses, c'est pas humainement possible. Eh ben, justement. Autant. Ah, c'est d'une vie pour... En préparant l'émission, justement, après, on va continuer le tour de table, mais en préparant l'émission, justement, tu dis ça, c'est bien. Parce qu'en gros, j'ai noté, moi, un petit peu, dans mes contacts, ceux qui en avaient le plus. Alors, toi, par exemple, Tagazu, t'es niveau 12, t'as 907 trophées, t'as 4 platines. Kogu, t'es niveau 20, t'as 3887 trophées et t'as 25 platines. Moi, je suis niveau 26, j'ai 6470 trophées, j'ai 17 platines. Et dans mes contacts, j'en ai un qui est niveau 35, qui a 9888 trophées, 73 platines. Ouais. Et il y en a un autre qui s'appelle Julien. Alors, je ne donnerai pas son nom de famille. Il est niveau 87. 80. Il a 24 808 trophées, il a 526 platines. Alors là qu'on m'explique les 528 platines. Ou alors il n'y a que des jeux simples comme disait Tagazu, il a enchaîné les jeux. Ah ouais, mais tranquille. Il platine easy, il est chasse, il est. Non, non, mais je sais que. Ça me paraît énorme quand même, mais bon. Il y a un blogueur des Monks, d'Amonks. Oui, mais enfin, faut se rappeler quand même que les platines sont arrivées très tard quand même. Alors, oui, voilà, à l'époque, c'est ça. À l'époque, mais en 2002, il y a 200 platines. Il n'y avait pas. C'est-à-dire que les trophées sont arrivés à partir de la PS3. Rappelons-le. Ouais, alors en gros, pour la petite histoire, en gros, c'est Microsoft qui a lancé l'idée avec les succès en 2008. Alors j'ai cherché comme un taré toute la journée. J'ai eu les succès, c'est ça. Yes. Moi, j'ai pas trouvé le pas tout premier platine. Jeu. J'ai pas si vous vous rappelez. Moi, je crois que j'ai découvert ça avec Uncharted 1 sur PlayStation 3. Ça arrivait une année après les succès, les trophées sur PlayStation 3. Mais j'ai pas trouvé le nom du premier jeu à intégrer ça. Je sais que c'est venu avec une mise à jour sur la PS3 qui s'appelait 2.42, je crois. Mais voilà, j'ai pas trouvé le. Mais je sais que ça m'avait surpris parce que je jouais. Tard, hein. Et puis du jour au lendemain, diding. Ok, diding. Je la merde, c'est quoi ce bordel? Puis en fait, tu regardes, il y avait un nouvel petit icône. Et en fait, il y a des trophées, ça correspondait à des petits textes et tout. Ça arrivait du jour au lendemain. Oui, parce que moi j'étais sur Xbox 360 et j'ai eu ces succès. Et les 1000G, c'était voilà, il fallait les faire et tout. Et je trouve que le système de PlayStation, après c'est pas pour la guerre Xbox PlayStation, hein, parce que je suis un ancien Xbox 360, mais mieux fait. Et plus voilà, quand t'as un platine, les 1000G, c'est voilà, c'est-à-dire qu'en fait tu fais des G, des fois t'as 500G, tu sais pas trop pourquoi, donc tu peux avoir 700G, mais voilà, t'as pas fini le jeu. Je trouve que des coupes, c'est plus, ça récompense plus. En plus, c'est plus symbolique. C'est plus symbolique. Attends de voir les trophées sur Drone to Drone to Death. Oui, c'est. Et ils font à peu près, il y a à peu près 4000 caractères par titre de trophée. En fait, le trophée, c'est ah si j'avais su que ma sœur venait manger ce soir. Voilà, et qui n'ont, enfin pas trop de rapport en plus avec l'action en question. Mais là, ils ont vraiment pris le parti de rigoler, de faire des titres super à rallonge pour que quelque part tu saches pas réellement quoi faire ton action pour avoir le trophée. Yes. Et, c'est très très bon. Alors juste une parenthèse, merci à Sean Ray pour le follow. Merci à toi, t'as débloqué le poète de la muerte, t'es un déglingo. Et puis voilà, alors les trophées à la con, justement, tu parlais de Red Dead Redemption, et il y en a un qui était très drôle. Il fallait choper une meuf au lasso. Oui, voilà. Alors, pas n'importe laquelle en plus. Je voulais pas la faire. Hein. Non, une meuf au hasard. Ah bon? Ah, il me semblait qu'il y avait un et truc où c'était une nonne ou je sais non, plus. Non, c'était. Et puis il y en a une qui m'a volé mon cheval. Donc j'ai eu pas de pitié, je suis allé la rattraper. Sur son cheval d'arçon, ok, je voulais pas faire le succès parce que je trouvais que c'était un peu immoral. Alors, on en parlait à l'époque. Le voilà. Truc, c'est que voilà, en fait, il fallait choper une meuf au lasso, l'accrocher derrière notre cheval, la traîner, la ligoter sur la ligne de chemin de fer. Alors, voilà. Ça se passe à l'époque des cowboys. Et, regarder, et attendre que le. Il la regarder se faire écraser. Et attendre que le train lui passe dessus. Il la regarder se faire écraser. Et ça, je trouvais que c'était un peu. Et vu que bah il y en a une à la chercher, j'ai dit bah je vais le faire. Voilà. Bon, tu m'as piqué mon ta morale a une limite c'est quand ça. Même. Yes, c'est toi Quentin. Alors toi, par contre, si t'as la PlayStation 4, mais depuis récemment. Récemment, ouais. Après et, moi, j'ai toujours été Xbox. Ouais. Yes. Et toi, t'es sensible à ça, au trophée. Est-ce que t'es du genre à regarder un jeu et te dire ah il y a ça comme trophée, ça peut être pas mal. Ou honnêtement, tu t'en fous. Honnêtement, je suis pas du tout ce genre, ouais. Ce genre de joueur-là. Moi, je fais le jeu pour le faire. Après, il y a certains jeux là, comme Uncharted où j'étais content d'avoir des trophées, par exemple sur la Play 4. Là, je suis content de les faire sur Overwatch. Il y a des succès à faire sur Overwatch avec des trucs bien prédéfinis. Bah, les jeux uniquement multijoueurs, ils sont en général pas simples. Hein. Ouais, tu vois des Call of où ça débloque certains trucs dans le jeu, dans Overwatch, et vu que j'y passe pas mal d'heures, bah, je suis content de les faire. Et oui. Mais sinon, après, c'est pas quelque chose auquel j'accorde de l'importance. Quand j'en fais, bah, je suis content de les faire, mais après, je crois bien. Alors, excusez-moi, mais je crois que j'ai jamais platiné un jeu. Ah non, mais après, voilà. Moi, je trouve que moi, j'ai platiné très tard. Hein, et bon, on va afficher ton visage partout dans Bordeaux. Voilà. On va mettre une 12e pancarte après les 11. Débiles mentaux qu'on va devoir voter pour eux là. Voter pour lui, le platine pas les jeux. Voilà. Je trouve qu'un jeu doit mériter le platine. Moi je suis dans ce genre de gens. C'est à dire que Guacamelee je l'ai fait parce qu'il le méritait. Mais voilà, c'est exactement donc là ça où on va en parler. Ouais. C'est quand le trophée n'est jamais mieux justifié que quand justement t'as galéré à l'avoir. Mais que t'aies galéré, mais que ce soit cohérent avec l'histoire du jeu que t'as vécu. Que ce soit pas trop dur non plus, que ça soit pas. Il y a des trophées couillons. Hein. Sur Ethan Carter, là, les trophées où il faut jeter une pigne dans l'eau pour qu'elle se transforme en bâton et attends, ça finisse par un fusil. On va le raconter, ça, parce que c'était magnifique. Celui-là, c'est improbable. Mais c'était du magnifique. Coup, si je peux me permettre, j'ai juste une question. Apparemment, tu fais tous les trophées. Non, c'est faux. C'est faux. Non, c'est une légende urbaine. Je suis très attaché, comme ça je devance la question qu'on aime poser. Je suis très attaché aux trophées des licences que je suis. Voilà. Que donc, j'aime. Pour les bons jeux. Ouais, pareil. Mais pour les trophées, on est d'accord, tu regardes un moment sur internet pour savoir ce qu'il faut faire, non? Pour le faire. Quand vraiment tu n'as aucune solution. C'est-à-dire que moi, les trophées, y en a beaucoup qui tombent pendant que tu joues. Voilà. Vu qu'après, la plupart, malheureusement, entre guillemets, sont liés à l'avancée dans l'histoire. Ouais. Tu termines un chapitre, bim, ça tombe. Ouais. Et moi, ce côté-là, je trouve pas ça justifié. Par contre, justifié d'un trophée pour aller choper une nana, l'amener, faire des actions. Des trucs un peu super longs. Voilà. Voilà, qui justifient quelque chose. Mais ça, comment tu peux t'en douter, c'est ça le truc moi que je. Alors il y a des petits textes. Parce que souvent on va parler sous de le trophée, on te dit là où on a le plus rigolé au niveau des trophées, c'était notamment sur la licence Borderlands. Ah bah oui. Où, platine moment, dessus. Voilà. Et ça, bah, quelque part, je suis. Enfin, c'est oui, limite un avoir moment, platiné un Borderlands, t'as presque envie de le coller sur ton CV parce que ça veut dire que t'as fait tellement d'actions. What the fuck. Pour y arriver, même si en définitive t'as été chercher à un moment donné quel était le lien sur internet pour pouvoir monter, parce qu'à un moment donné faut que tu croises un cheval qui s'appelle les talons du cul, que tu le caresses, que tu lui mettes un truc de cristal dans le fion, que tu lui donnes les trophées sont magnifiques comme ça mais à bouffer. Comment tu peux t'en douter quand tu fais le jeu en joueur lambda quoi. Mais parce que le trophée il va se mettre nourrissé par derrière les talons de cristal. Donc tu cherches un peu, tu vois, donc ça rajoute un petit truc. Et voilà, et bon, là-dessus c'est rigolo. Bon après voilà, il y a des licences où par exemple t'as fait le premier, t'as T'as essayé de galérer un peu, tu t'es cogné des heures et des heures de farm ou des heures et des heures de collecte de, ouais, on de, va en parler d'objets. Aussi, style, tu prends l'Assassin's Creed Unity. Moi, ça a été un des platines, enfin, qui m'a le plus ennuyé à terminer. Parce que la collecte des cocardes, t'as même pas besoin là de chercher une solution. Mais c'est juste, tu les vois sur la map. Faut que tu les pointes à chaque fois et que voilà, tu dis. Allez. Ouais, c'est là que je trouve que les platines sont complètement. Là, c'est pas juste. Pas toujours, ouais. C'est pas justifié. Surtout dans les mondes ouverts, c'est vrai. Attends, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai vu un truc passer d'intéressant. Voilà. Si, bah justement, Ethan Carter, on va en parler. Et puis voilà, il y a des trophées qui sont rigolos et que moi j'aime bien faire, genre Uncharted 4, quand il a été présenté à l'E3. Quand ils ont lancé la vidéo à Madagascar, Nathan, il est resté fixe comme ça, sans bouger, parce que ça buguait. Et genre, il y a un trophée, si, quand tu sors du bâtiment, si tu restes comme ça sans bouger, comme à l'E3, t'as un trophée, genre, je sais plus comment il s'appelle, mais il a un nom en plus, c'est délirant, quoi. Et ça, c'est drôle. Mais après, t'as des trophées, genre, Ethan Carter, mais c'est le truc, genre, tu marches dans la forêt, il y a une pomme de pin, tu la ramasses, tu la mets dans ta poche, elle devient une grenade. Tu marches sur un pont, c'est une espèce de barrage. À droite, si tu jettes cette grenade, donc l'ancienne pomme de pin, tu la jettes de la deuxième, du deuxième petit, petite avancée, tu jettes, t'entends, boum, ça explose. Ok. Tu traces un peu plus loin, et presque à la fin du jeu, il y a un homme grenouille allongé par terre que t'as tué avec la déflagration, il a un pistolet, tu le prends, t'as le trophée. N'importe mais quoi. Tu vois, mais ça pour le trouver, on a cherché sur internet et tout. Ouais, c'est quoi ce bordel, quoi. En fait, les trophées, ils sont pas à faire en suivant un guide sur internet quand tu fais le jeu, parce que du coup, tu te pourris l'histoire, tu te pourris ton expérience au truc. Mais par contre, quand t'as les jeux sont rejouables une fois que tu les as terminés, voilà, comme Horizon Dawn, et encore, je trouve que celui-ci, j'ai réussi à avoir beaucoup de trophées sur la run. Et en définitive, après, une fois que t'as terminé le jeu, tu peux finir les choses que t'as pas faites, aller te balader. Et là, du coup, ça devient intéressant, puisque sans tomber dans le pathos de bon, je vais terminer les dernières quêtes qui me restent. Et oui. Tu sais que si tu fais cette quête-là, le trophée va venir. J'ai la phrase qui fait un peu la carotte, quoi. Non, qui peut résumer, c'est un peu quand tu as aimé un jeu et que tu l'as fini, c'est un peu prolonger l'histoire d'amour avec ce jeu. C'est-à-dire que t'as envie d'aller pousser un petit peu le jeu, parce que tu l'as tellement aimé que tu dis bah non, je peux pas te laisser comme ça. Je peux pas finir, il reste encore des choses à faire, et tu regardes donc les trophées, tu te dis allez, on va le platiner, on va jusqu'au bout, je l'aurais fait, parce que t'as tellement aimé ce jeu. Donc je pense que là le platine dans ce sens est bon. Voilà. Après, donc finalement on peut dire que ça rallonge la durée de vie, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais on devrait appliquer le principe des trophées au couple également. Ouais, voilà. Il y a plein de choses. Dès que tu fais une action ce soir, que tu sors d'un truc ou n'importe quoi, hop, et ben voilà, t'as eu le trophée, j'ai survécu à l'engueulade, tout s'est bien passé. Mais et hop, tu passes à autre chose. Il y a une photo qui est très connue comme ça, d'une photo de mariage où t'as le couple qui s'embrasse et le mec il tient une pancarte en carton. Succès. Il y a écrit succès débloqué, genre trouver une femme. Tu vois, c'est génial sur la photo de mariage, ça, quoi. Tu vois, c'est top. Donc, dans 5 minutes, on s'écoute un morceau de Snoop Dogg, là. Alors, attends. Tac, tac, tac, qu'est-ce qu'on nous dit? Je viens de faire The Vanishing of Ethan Carter, j'ai réussi à débloquer ce succès par hasard. Eh bah, putain, joue au loto, mon pote. Je suis là. Franchement. J'ai étendu, quoi. C'est lui qui a inventé la suite Fibonacci, en fait, je pense. Yes, donc ça, on en a parlé. Alors, est-ce que les trophées aussi, parfois, grâce à tous les collectibles, ça permet pas justement de visiter le jeu à fond? Je pense par exemple à The Division, que si j'avais pas fait le platine, eh ben je pense que je serais passé à côté de penthouse ou de petites baraques, tu vois, qui sont cool. Vu que c'est très dense et que c'est en multijoueur un peu, parfois tu traces un peu, alors que si tu ramasses tout, des fois mais t'as la flemme un peu. Voilà, alors il y a les collectibles. Ça nous a permis de découvrir des endroits qui étaient sympas. C'est con, mais comme dans Horizon, par exemple, si tu cherches toutes les fleurs métalliques, parfois t'arrives sur des panoramas. Ouais, tu sens bien que le développeur, il a dit, ouais, mais si on met pas le trophée, le gars il ira pas, il va pas le ramasser, il va passer à côté de ce décor magnifique. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, c'est peut-être aussi c'est un peu la facilité de mettre des collectibles sur les côtés, parce que moi je vois, donc je vais me rapprocher de encore Zelda, mais c'est les quêtes qui t'amènent à, tu vois, c'est des petites histoires qui vont t'amener à aller à des endroits. Pas forcément un objet, quoi. C'est pas forcément aller ramasser un objet qui est un peu lourdingue d'aller chercher un trophée, un platine. Et puis les gens qui font pas les platines, qui veulent profiter du jeu, parce qu'il y en a beaucoup, donc alors je pense au RGB, Quentin pourra me dire, mais il y en a beaucoup qui sont anti-platine pour avoir parlé avec eux. Il y en a qui les sont vieux anti-platine joueurs. Et il y en a qui sont pro-platine, quoi. Voilà, c'est et les vieux joueurs, ils comprennent pas, voilà, l'intérêt peut-être pas dans le platine. Le temps que l'histoire est bonne et que je leur donne le pas jeu tout à fait tort, mais c'est vrai que ça apporte du personal branding aussi. Il faut pas se leurrer. Oui, c'est un peu l'idée. Je l'ai noté aussi dans les phrases. Voilà. Celui-ci, il faudrait le rajouter pour l'institut là qu'on a noté tout à l'heure. Personal branding. J'aimerais bien qu'il nous traduise de terminologie. Mais je pense que voilà, et ils ont raison, mais c'est aussi du personal branding que de dire j'ai fini deux fois le jeu, j'ai fini trois et fois. Oui. Oui. Et justement, Zelda, j'ai retourné dans tous les sens. Attends, c'est pareil. Qui sont sauf New que là, Game t'as plus, la preuve. New sauf Game que plus t'as la 97 preuve, à Dark Souls. Oui, c'est Explique vrai. Explique-moi l'intérêt de l'avoir fait 97 fois. Oui, c'est ça, ça va faire plaisir à après, je peux comprendre quand t'es à fond dedans que tu cherches le haut level, le machin. Tu prolonges l'histoire d'amour là. Après, plus au maxi. Tant qu'ils nous sortent pas le trophée, vous avez atteint le New Game Plus 97. Là, oui. Okay. Alors, j'ai noté des trucs comme ça en vrac et tout. Justement, tu parles de ça. Il y a certains jeux, genre Unreal Tournament 3, pardon. En gros, il y a un trophée où faut faire 200 kills par jour, ce qui apparemment est pas simple sur le forum où j'ai lu. Et faut faire ça pendant 50 jours de suite. Oh, donc tous les jours, pendant 50 jours, faut que tu te connectes, tu te 200 personnes. Mecs. Alors après, il y a des trophées qui sont un peu lol. Genre, il y a des jeux où faut se connecter à telle heure. Genre DJ Hero, je crois que si t'es connecté à minuit le premier de l'an, t'as un trophée, tu vois. Il y a des trophées aussi. Moi, ce qui m'a fait au début détester les trophées, c'est les trophées. Il y en a moins maintenant, mais que tu pouvais manquer. C'est-à-dire que l'aventure, ben tu passes et voilà, il fallait le faire à ce moment-là. Oui. Et tu peux le manquer et après tu as aucune autre occasion de le refaire. C'est ça. Et alors tu as New Game. Ouais, faut recommencer. Relancer le jeu. C'est souvent le cas dans les jeux d'aventure quand t'as des choix, par exemple. Ils le font moins maintenant. J'ai remarqué qu'ils ont compris que voilà. Parce que dans Heavy Rain, t'avais genre si tu réussis l'action ou si tu la loupes, tout de suite t'as le trophée, vous avez réussi ou vous l'avez pas réussi. Et les platines au début. Bon, après j'ai peut-être essuyé les plâtres sur Xbox 360, mais il y avait des succès qui tombaient pas, des bugs. Tu te demandais, tu faisais exactement. Alors, t'as des bugs sur internet, tu te dis, mais c'est pas possible et tout. Tu faisais exactement, et non, il y a un bug sur ce succès. Et au début, je sais que ça arrivait souvent. Donc, toi, tu veux finir le jeu à fond, et ben là, tu le dis, et ben tant pis. Mais concrètement aussi, savez-vous, parce que du coup, je pensais aussi important qu'on en parle, ces trophées, à quoi ils servent? Alors, concrètement, personnellement, j'en ai aucune idée. Eh ben, on va répondre à cette question juste après le Scud. Si on n'est pas bon au niveau du teasing là, mon gars. Eh ouais, là, carrément. Ça tease avec des questions maintenant, ça rigole. Allez, les 20h, vous écoutez toujours la voix du geek sur Eau de Radio. On revient juste après pour continuer ce petit débat sur les trophées, les succès, les achievements qu'on trouve un petit peu dans tous les jeux là, sur console et PC. Et puis on parlera un petit peu de Kona. Allez, les 20h, vous écoutez toujours la voix du geek. On revient juste après Snoop Dogg et Sensual Seduction. Ça, c'est du bon son pour pécho. Vous écoutez Eau de Radio. Écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. Freak, freak, freak. I keep a bad with me 7 days out the week. I was all in the club, having a drink, blowing on a sweet. When I peeped this little freak out, I was all in the bar when Drifter showed you where it came on. Then she hit the floor now with a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo Peep. And a player note, if I take her home with the real big hips, you're so right, I'm gon' be. So I approached the chick with the real pretty face, nice curves on her with the little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you a freak, but you know I ain't gon' say shh. See, my game is outrageous. I got her to the crib and exchanged some love faces. But it wasn't no need for me to rush the bus one, cause I wanted her to have an eruption. Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. Sensual seduction. Écoutez Eau de Radio, écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3. La voix du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. Allez, on est de retour toujours en direct dans La Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours en live sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Vous pouvez nous laisser des messages, Facebook, Twitter aussi, on lit tout en direct. On est en plein débat où on parlait un petit peu des trophées, des succès. Et on était en pleine question, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert, Jamie? Ça me fait penser juste une seconde à comment il s'appelle cet humoriste, putain, il me tue. C'est un rebeu, un petit rebeu qui faisait jamais le Comedy Club. Putain merde. Jamel? Non, c'est pas Jamel. Comment il s'appelle? Il était un peu grassouillé avant, puis il fait du cinéma un peu. Merde. Et puis en gros ils font un sketch comme ça sur tu sais quoi, ils fument des joints et tout. Puis genre il fait genre Fred et Jamy, tu vois. Puis genre Jamy, tu peux m'expliquer comment ça se fait que quand je fume des joints je suis déchiré? Puis il se retourne, il fait tiou. Ah vas-y Jamy, va niquer ta mère. Pour l'anecdote, taper salut, c'est pas sorcier, Jamy et cannabis, ils ont fait une émission spéciale. Oui, c'est vrai, ça, oui, hein. C'est vrai, en plus. Ils l'ont fait, hein. Exactement, fumer c'est mal. Bon, un petit pétard entre potes, ça fait pas de mal. Bref. Oula, oh mon dieu, oh loulou. Période voilà. Électorale, il tente. C'est pas beau. Il lâche le truc sur le débat, attention. Yes. Bon, alors, les trophées, à quoi alors, ça sert? À quoi ça sert? Eh ben, concrètement, en fait, bisous, c'est ni plus ni moins un petit peu que du phishing, un peu pour connaître également les habitudes des joueurs. Eh oui. C'est-à-dire que toutes ces données vont être prises, eux vont pouvoir sortir des stats en disant, ben, tout comme tu vois la rareté du trophée, que 2,1% des gens sur ce jeu-là le platine, ben, eux vont faire des stats sur tout ça, sur les habitudes de joueurs, combien donc il y a de personnes qui vont aller jusqu'au bout. Et du coup, ça va nourrir, à alimenter ben, les prochains jeux, les prochaines idées également de gameplay. Exactement. Et les prochains trophées à mettre en place. Ce n'est ni plus ni moins que la façon pour eux de s'assurer que cette personne qui correspond à telle catégorie on va dire d'âge, elle va s'arrêter à 20% du jeu au niveau des trophées. C'est ça. Alors ils peuvent faire des classifications et pouvoir décomposer. C'était quel nos jeu habitudes. On en avait parlé, il me semble, dans l'émission. Il y avait un jeu où justement les développeurs en cours avaient fait en cours de commercialisation du jeu avaient fait des mises à jour parce que grâce aux trophées ils se sont rendus compte que personne dépassait le 4e niveau et que les gens allaient pas à la fin du jeu. Ah oui. Ouais, et je sais plus c'était quel jeu, mais on en avait parlé. Et est-ce que les trophées, c'est pas un petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit peu du personal branding? Est-ce que c'est pas aussi une manière de prouver à quelqu'un? C'est souvent dans les discussions, quand tu parles avec les gens, les gamers, comme ça, c'est, tu l'as fait Horizon, ah ouais, j'ai kiffé, j'ai fait le platine dessus. Est-ce que c'est pas une manière de montrer, tu vois, ouais, genre moi je l'ai fait, je l'ai fait à 100%, toi t'as fait que montrer que j'ai tout vu, tu vois. Ouais. Non, c'est oui que tu l'aimes beaucoup, ouais, ce jeu, ou que t'as un peu allé, voilà. Ah, tu l'as fait celui-là? Après, ah, j'ai fait le platine dessus. Je pense que ça dépend comment c'est dit et comment tu l'interprètes aussi, parce que comme dit Tagazu, là il est en train de l'expliquer en disant oui, moi je l'ai fait à 100%, t'as vu, ouais. J'ai passé du temps dessus. Après, ça peut être interprété. C'est une manière plus rapide de dire j'ai fait de 100%. J'ai fait de platine. Ça peut être interprété aussi. Moi j'ai fini le jeu à 100%, toi t'es qu'un petit joueur, t'as fait que le mode histoire et basta quoi. Ouais. Ouais, mais après, ouais, il y en a qui te diront c'est pas en faisant le platine que finalement, peut-être que voilà, il y en a qui ont fait le jeu 4 ou 5 fois, ils ont pas essayé de chercher les platines. Oui, ils ont peut-être pas eu la même expérience. Ils ont pas eu la même expérience après. Non, d'autant plus que tu peux rentrer dans des périodes de stress pour un platine. Oui, c'est vrai. Avant qu'un seul trophée, moi je mourrais, je crois, avec le regret de n'avoir jamais eu le trophée buveur anonyme de ce trophée du premier Watch Dogs. Oui, c'est vrai, ouais. C'est le seul qui m'a manqué pour le finir, et c'était une connerie où il fallait le faire à deux. Alors moi qui suis une des personnes les plus associables qui puisse y avoir au niveau du gaming, enfin de me dire que j'étais dans l'obligation d'inviter quelqu'un chez moi pour qu'il me tienne l'autre joystick de la manette, puisqu'en fait c'était tout un délire où il y avait t'étais bourré, il fallait te mettre une race énorme, et une fois que t'étais bourré, en fait il y avait des cercles qui bougeaient, et toi il fallait que tu gardes un objet dans le cercle, et voilà, t'avais les deux joysticks. Mais alors il faut avoir des doigts de caméléon, c'est-à-dire qu'il faut avoir des pouces qui voient dans chaque direction en même temps, parce que ça bouge, t'es bourré, c'est flou. Il faut le faire à deux. Il faut le faire à deux pour que chacun se consacre à un joystick. Et ben, ce platine-là, j'ai voulu le faire parce que j'étais là, mais merde, enfin tu flanches pas à un mètre du bol de sangria. Quand t'as mis du temps à l'atteindre. Ben oui, hein, j'ai un exemple aussi avec Lord of the Fallen. Hein. Ben c'est ça, toi aussi. Putain, j'ai passé qu'un, et au bout d'un moment, j'arrive pas. Mais tu t'énerves et t'es là, mais merde, un trophée arrive à me foutre dans des états. Et là, ben le côté plaisant du gaming machin, tu l'as perdu. Ça fait un moment. Hein. J'ai fait le jeu trois fois. Je suis au boss de fin. Je le bats. J'ai le platine de Lord of the Fallen. J'ai tout cherché. Je le connais par cœur. Je pourrais te dessiner la map tellement je l'ai fait. J'ai guidé Kogu dans les niveaux. Genre, je voyais même pas jouer. Là, tu prends à gauche. Là, c'est à droite. Il était en train de lire du Victor Hugo. Il m'a quand même donné le chemin en même temps pour y aller. C'était un truc de fou, quoi. Mais toi, j'y arrive pas. Donc ça, ce sera la petite déception de toute ma life de gamer. Alors, on nous dit sur le chat, tiens, il y a Callahan qui fait, c'est les joueurs de Play qui se la racontent. Nous, les joueurs Xbox, on est humbles. Oui, on a eu un succès. Oui, oui, oui, c'est les premiers à avoir inventé les succès, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Shenray qui fait, c'est de la vantardise. Marator, il fait sa vacille entre l'ego et la fierté, mais souvent on essaye de platiner nos jeux préférés. Ben voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça l'idée. Il y a Rako qu'on embrasse qui nous fait, perso, les trophées, ça ne m'intéresse absolument pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de trophées dans les vrais jeux, les jeux rétro. Voilà. Ah. C'est pour ça que j'y ai RGB. Et c'est pour ça qu'il les remasterise et qu'il les refoutent voilà, des trophées. C'est vrai, il a pas entendu le début de l'émission, donc du coup, il a pas entendu les petites news. Et c'est vrai que du coup, ils ressortent énormément de jeux vieux rétro. Jeux sur console, et le truc de vente, c'est 1080p et ajout des trophées. C'est vrai en plus. Ouais. Et ouais, carrément. Yes, salut Maleficio, welcome. Allez, on enchaîne, tiens, avec les trophées un peu improbables. Puis après, on va parler de Kona. Parce que c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, des fois, il y a des trophées qui sont buggés, certes. Mais il y a quand même des trophées. Alors, il y a des trophées, on a beaucoup ri sur Trine. Je sais pas si tu te rappelles, mais ah oui. Bah, c'est au tout début qu'on se connaissait. Et mais franchement, on a tapé des barres. Mais voilà, il y a des trophées genre improbables, genre Rayman Origin, pour avoir le platine ou le 1000G. En fait, il faut, sur un speedrun, avoir le premier temps mondial. Oui, tu peux pas. Bah, à moins d'acheter le jeu Day One et de le faire tout de suite. C'est ça, c'est voilà, des trophées impossibles à faire. C'est terrible. On sait pas pourquoi les développeurs font ça. C'est surtout le premier temps mondial pour sur un speedrun. Il y en aura qu'un et de le faire. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Ça fait 8 ans qu'on a sorti ce trophée. On a encore des gonzes qui courent. Voilà, c'est ça. Ouais. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oh, Isil, il fait mon meilleur trophée sur PS4, c'est d'avoir l'Infernal dans la friend list. Je t'envoie les appels. C'est trop sympa. Yes. Tu viens de débloquer le trophée lèche-cul. Carrément. Tiling. 1000G. Carrément, quoi. Alors, on a quoi d'autre? On a, alors, Trine 2, justement. Voilà, il y a des trophées qui sont drôles. Genre, c'est qu'on a passé un temps infini à ramasser toutes les petites bulles. Mais, en même temps, avec la physique du jeu, ou avec le magicien, tu construis des boîtes métalliques. Ensuite, tu les empiles parce qu'on a cherché partout. Ils les ont cachés. C'est des fumiers. Ouais, c'est un problème, dans le décor et tout. Mais genre, à un moment, il en restait un. Toi, c'est terrible. Quand tu ramasses 300 objets qui sont cachés, quand il t'en manque un, c'est la merde. Parce que tu te refais tout le jour au large. Et donc, à essayer de se soulever sur des petites planches et tout. Mais c'était improbable. Et genre, il y a des trophées qui sont marrants. Genre, faire du surf sur un truc de vapeur. Je sais pas si tu te rappelles. Il y en a qui étaient très drôles à faire en coop comme ça. C'était vraiment génial. Il y a donc, comme je disais tout à l'heure, Deadpool, qui a des trophées complètement débiles. Tu mets le jeu, le premier, direct, le jeu, il charge. C'est cadeau. Ok, t'arrives sur le menu et ça c'est cadeau aussi. Puis genre, ouais, c'est n'importe quoi, quoi. C'est mais ouais, ouais. Il y en a plein. Et il y en a après des un petit peu drôles, genre dans le Tomb Raider. Il y a des petits énoncés qui sont marrants. Genre dans le reboot du Tomb Raider, si tu tuais un crabe, t'avais le trophée pâté de crabe de Bob l'éponge. Ouais, voilà. Il y a des références. Ils mettent des Easter eggs un peu partout grâce au trophée maintenant, grâce au succès. Moi j'avais le succès toujours de Red Dead, voilà, il m'a un peu retourné. Et oui. Et puis il y a le 2 qui arrive, donc ça tombe bien. C'était affreux parce que il fallait être jouer en coop et défendre un fort, je sais pas si vous défendre un fort mexicain avec la réputation au maximum. C'est-à-dire que tous les shérifs arrivaient et en plus, c'était en ligne. Donc il y avait eux, ils avaient un autre trophée les gens, c'est d'aller tuer des gars qui ont en réputation 5 étoiles. D'accord. Tu sais. Reculé. Donc en fait, il fallait se battre contre les bots qui arrivaient par vague et dès qu'on avait 5, t'avais toujours un joueur en multi qui venait lui essayer de faire son trophée en nous tuant. Donc c'était affreux et je me rappelle, on est parti du fort à 5, enfin voilà, à cheval, on avait fait des tactiques et tout et là c'était intéressant. Yes. Donc voilà, et des fois les trophées peuvent amener à de bonnes parties de rigolade. Mais et peuvent aussi te permettre de te dépasser. Donc sur un pas truc anti-anti-pique. Moi je sais que exactement. Alors, je suis voilà, j'en ai beaucoup parlé tout au long de ces longues émissions qu'on a faites, mais moi j'ai un gros faible pour la licence donc des Naruto. D'ailleurs, yes, on a appris que le prochain, le Legacy, ils nous sortent une compile avec le 1, le 2, le 3, le 4 plus le on va dire le c'est pas vraiment un standalone mais le Road to Boruto qu'ils ont sorti en add-on, on va dire, du 4. Donc là, on va se retrouver avec 5 jeux Naruto, donc où je crois même sur le premier, il n'y avait pas les platines au départ. Là, enfin, il va y avoir des trophées automatiquement dessus. Donc bref, moi, j'aime bien cette licence-là. J'avais commencé, donc j'avais... Non, c'est faux, il y avait aussi... Donc j'ai eu le platine sur le premier. Du coup, je me suis mis au défi, quand j'avais pris le second, de me dire, bon, t'as fait le platine sur le premier, et oui. Tu vas faire le deuxième. Donc là, t'arrives à faire le deuxième. Tu te dis merde, il y en a un troisième qui sort. Mais c'est mort. Je vais pas faire le baltring en disant j'ai fait les deux premiers, pas le dernier. Et moi, je sais qu'à chaque fois, j'étais là, mais je n'y arriverai jamais. Il demande de buter le gars dans un IMO what the fuck de difficulté sans se faire toucher. Tu dis mais c'est un et tu refais. Putain, fois, t'y arrives quoi. Et ben oui. Et moi, il y a des fois, j'aurais jeté l'éponge. Et ben du coup, alors là aussi, il sait très bien te caresser l'ego. Et t'es là, mais putain, voilà. Je l'ai fait quoi. J'y ai pensé, mais des fois même t'as posé le jeu pendant 6 mois en le boudant, c'est-à-dire tu pouvais passer à côté, tu lui jetais même pas un regard, rien du tout. Et un jour, tu sais pas pourquoi, tu dis, bon allez, tiens, ce matin je me sens en forme, tac, tu le prends, tu le mets dedans, bim. C'est souvent le cas dans les jeux vidéo quand tu bloques, tu laisses reposer, genre, puis le lendemain matin ça passe du premier coup. Mais c'est ça, juste le temps de décuver généralement. Ouais. Tu vois, c'est 6 mois c'est quand même important. Ah ben, 6 mois de décuvage, que t'as pris. Voilà. Après, ça peut être plus ou moins long. Je sais qu'un trophée qui m'avait fait, enfin un platine qui m'avait vraiment fait galérer. Et puis là, tu vois, il y a Jaraco qui retourne sa veste. Là, il dit, si Shenmue HD sort, je le platine avant de mourir. Donc tu vois, il a déjà changé ça, toi. Tu vois, mais en plus on y prend goût, tu vois, c'est terrible. Mais Gravity Rush, genre à la fin, il te demande des défis mais qui sont improbables. Temps. C'est un truc de fou. T'as gueulé, et t'as ça n'apporte absolument rien en mais termes non, de gameplay. C'est juste que c'est du temps. Et dès qu'il y a du temps, je sais pas vous, mais moi je perds un peu mes moyens dans les jeux vidéo. Tu vois, ça m'angoisse. Et putain, mais j'ai. Bah, pareil dans le sexe. Dès qu'on met une montre à côté, c'est fini. Pas de sexe tarifé, quoi. Mais putain, un truc de fou. Mais j'ai dû faire 400 essais. C'est un truc où on te demande un certain temps. Et je suis sûr que les développeurs, ils prennent le meilleur temps de tout le studio, machin, et ils enlèvent 5 secondes. Voilà, ils vont galérer, ça ira bien, quoi. Voilà, mais ça a été terrible, terrible. J'ai recommencé, mais 400 fois, à tomber dingue. Tu sais, quand tu commences à tordre la manette un peu comme ça. Et puis Gravity Rush, en plus, il est bien rageant, hein, ouais, avec l'orientation et tout. Ça a été terrible. Et tiens, on nous dit sur le chat, il parle beau. C'est bien ce débat là. La semaine prochaine, on va en faire un autre. Je vous balancerai le thème après. J'ai des trucs à vous raconter. Mais ouais, ça fait réagir à mort là. On nous parle du succès Calendar Man de Batman Arkham City. Ah oui. Ben voilà. Alors c'est quoi ce fameux ? Alors ils m'ont donné la réponse, mais tu vois ce que c'est ? Alors non, moi je pensais non à Arkham Asylum, qui était les trophées étaient presque de impossible à faire. Ah oui, de l'homme mystère. Et l'homme mystère dans le City, moi je les ai adorés les trophées. Ça a rajouté un petit peu un côté à chercher l'homme mystère et tout. Et oui, ouais, ça, ouais. Donc quelque part, ça t'incite peut-être à faire le truc que t'aurais peut-être pas fait s'il y avait pas eu de trophée. Voilà, là par exemple, là, on parle de Batman, alors. Dans le dernier Batman, si on finit pas les trophées à 100%, ou les, de l'homme mystère, il me semble, les trophées de l'homme mystère, on n'a pas la fin. On a une fin différente. Ah oui, du ok. Jeu. Ah et oui, voilà. La fin qu'on voit, si on l'a pas fait, ben c'est une fin basique. Et pour tout fan de Batman, si t'as pas fini les trophées de l'homme mystère, je peux te dire que tu te ronges le frein un moment parce que t'as envie de voir ce qui se passe après, quoi. Donc il faut absolument les finir pour pouvoir accéder à cette fin, voilà, qui t'en dit un peu plus sur le personnage. Yes, je viens de penser à un truc, on va en parler juste après. Donc apparemment, ce fameux Calendarman, en fait, il est dans une cellule. Il faut aller le voir certains jours de l'année réelle. Ah voilà, il y a ça. Mais alors il y avait. Des... Et donc il nous dit l'astuce consistait à modifier la voilà. date de la console. Il y en a beaucoup des trophées avec l'horloge dates, interne de la console. Mais vu que tu peux modifier l'horloge interne, du coup, je sais que mon frère, par exemple, il y en avait deux ou trois, il l'a modifié son horloge interne tout le temps. Et est-ce qu'on peut modifier l'horloge biologique? Putain, ça serait oui, bien. On peut aussi. D'accord. Alors, c'est plus dangereux. Et alors, santé. On nous dit, y a Racco qui fait. À ce qui paraît, c'est Léa qui débloque les trophées de Gravity Rush sur les parties de Quentin. Alors, je sais pas de. Il paraît que c'est ça. Yes. Et tu vois, ils nous disent, les défis de Gravity Rush sont quand même ouf et parfois super durs. Non, non, mais carrément. Et juste pour conclure ce débat là, est-ce que, alors, il me semble que Microsoft avait mis ça en place fut un temps. Est-ce qu'à un moment, ces trophées, ces succès-là, ah oui, ils vont servir à quelque chose? Ils vont servir à quelque chose. Et est-ce qu'ils récompenseraient pas les joueurs, comme on a pu le voir récemment avec Horizon Zero Dawn? Je pense que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des trophées. Quand t'as le platine, tu reçois un mail et t'as un thème pour ta PlayStation 4 inédit. Bah, est-ce qu'à un j'ai moment, j'ai rien reçu moi. Alors c'est très long, c'est très long. Alors, ça va sur venir. Xbox, il me semble qu'il parlait de les échanger contre de l'argent. Voilà, enfin contre des Microsoft points, carrément ah oui. contre des voilà. Microsoft alors, points. Est-ce que ce serait pas récompenser acheter... le joueur? Ben oui, mais sur 360, mais... c'était le cas à un moment, non? Je pense, mais je suis parti au mauvais moment. Ou des skins. Ça devait se mettre en place. Ça a été mis en place. Parce que je faisais beaucoup d'efforts Horizon. C'est un peu ce qu'avait mis en place Uplay, notamment sur les licences comme Assassin's Creed. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai, oui, exact. Voilà, on était inscrit sur une plateforme Uplay qui permettait donc d'avoir des points qui généralement étaient liés à un trophée derrière, et il y avait des actions à mener qui gagnaient des points. Et après ces points, on pouvait acheter soit des armes qui n'étaient pas présentes dans le jeu, des skins différentes, des posters pour sa PS4, des petits, choses comme des ça. Des gifts sympas. Ça peut être sympa. Après, je trouvais que le système Uplay, ou même c'était un peu essayer de venez chez Ubisoft, venez essayer nos applications, venez sur notre site. Bah, forcément, ils en profitent un peu pour, pour rapatrier le monde. Et débloquer des trucs Uplay, justement, c'était un peu bizarre. Voilà, télécharger l'application, c'était un peu pour faire du business, je trouvais, plus que pour donner un intérêt au jeu. Mais bon, après, voilà. T'aurais pu débloquer un jeu Ubisoft fini pour voilà. le prochain. Ouais, ça c'est un Assassin's Creed. Ouais. Tu fais le platine sur l'Assassin's Creed. Ils te le finissent. Moi, je l'ai les fait gars, sur le Unity. Finissent. Je me suis bien fait avoir parce que le Unity m'a mis du temps quand même. Et du coup, bah, le suivant. J'ai pas fait ça. Franchement, il pas m'a terminé tellement écœuré le Unity. Que, voilà. Donc voilà, est-ce que trop de collectibles pour le trophée, ça tue pas le collectible? Par exemple, dans Yooka-Laylee, des collectibles, et c'est hallucinant. Dans chaque niveau, il y a 200 plumes, 50 pages de livres, il y a 6 personnages à ramasser. C'est gigantesque. C'est ouais, un truc de tu malade. Tu passes ton jeu à faire ça, quoi. Ah, mais c'est hallucinant. En plus, il y a des petites plumes. Alors, il y en a qui le font sans trophée, hein. Il y en a, ils adorent faire ça parce que ça, c'est pour ça, ça existait avant. Les RGB sont d'accord avec moi sur des jeux rétro. Oui, oui. Banjo et Kazooie, puisque il fait référence à ce jeu-là. Il même à Shovel Knight. Voilà. Et donc, il fallait les chercher partout. C'était les pièces d'or, les pièces de puzzle. Donc, voilà. Il y a toujours eu. Mais bon. Les collectibles ont toujours existé. Et ouais, hein, mais il n'y en avait pas. Il y avait ceux qui les faisaient. Il n'y avait à pas fond, 300 et... comme dans Unity, quoi. Ouais, enfin, toi, il y a des moments, c'est hallucinant. Hein. T'arrives dans un jeu, on te dit, voilà, si vous voulez le platine, faut ramasser les 600, pots de machin, de trucs. Pourquoi pas 6000 quoi. Enfin, je sais pas, pendant après t'as différentes techniques, hein. T'as ceux qui vont s'occuper de tous les collectibles qui peuvent choper quand ils passent, mais du coup ils vont peut-être pas s'attarder trop à l'histoire non plus. T'as ceux qui vont attendre de faire tout le jeu pour après se cogner tous les collectibles. Alors après il y a des fois en passant à côté, tu dis il y a pas de recette, voilà, il y a pas de recette miracle. Quand tu peux le choper, ça va, mais il y en a. Enfin voilà, sur des jeux une comme femme, ne serait-ce même de, enfin Horizon. Enfin t'as et encore bon là ils sont pas compliqués. Mais je veux dire en fait ils te décrivent une zone et à toi de chercher après dans cette zone, tu vois. Ouais. Horizon, c'était bien amené, c'était les petites statuettes. J'étais presque déçu qu'il y en ait que 6 dans tout le jeu parce qu'en fait, t'as des espèces de statuettes Banuk. Ouais, voilà, pas des hiéroglyphes, mais il y a des espèces des peintures, rupestres. Et du coup, ça te donne un petit truc qui est un peu d'escalade. Et du coup, tu te retrouves dans des petits spots où t'aurais peut-être pas été par toi-même, quoi, si t'avais pas. Donc ouais, c'est pas mal. Y a Marator qui nous dit, en effet, il y a parfois de l'abus de collectibles et c'est là que ça devient pesant. C'est une question de dosage et de pertinence au final. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des jeux, tu dis, les mecs, franchement, laisse tomber. J'ai pas ramassé les 200 trucs, les 200 cocardes ou je sais pas mais combien si y en avait. Justement, mais justement, quand t'arrives après qu'on t'échange ces 200 cocardes contre une armure de ouf, ça peut être justifié. Alors voilà, oui, si mais on là, échange, juste ramasser 200 cocards pour le trophée cocard, voilà. Ça c'est couillon. Tout dépend quand tu l'as fait dans le jeu, parce que si ça arrive à la fin du jeu que t'as l'armure et que t'as plié le jeu. Ben moi c'est ce qui s'est passé en fait. J'avais débloqué l'armure et après j'ai ramassé un peu ce qui traînait, tu vois. Parce que encore si tu débloques au milieu du jeu, c'est sympa d'avoir l'armure avant pour finir. Mais sauf après, s'il te prévoit de sortir par exemple New Game DLC, Plus après. Ouais, voilà. Et ouais, carrément. Yes. Bon, en tout cas, c'est cool. On a fini avec ce débat. Franchement, c'était très bien. La semaine prochaine, on en fait un autre. Et en fait, c'est un truc qui me pèse depuis longtemps. C'est que c'est jeux vidéo. Comment allier les deux? Je me pose la question. Je me pose la question et on va justement rentrer un peu là-dedans de la naissance des trolls sur Internet. Des trolls et est-ce que Internet, sous couvert de la liberté d'expression, ne serait pas devenu un peu une zone de non-droit où on en prend plein la gueule pour plein de choses. Alors moi je vais vous dire, c'est très simple, hein, pour ma part j'en prends plein la gueule tous les jours. Je regarde Touche pas mon poste et j'aime beaucoup Cyril Hanouna et j'aime bien Dieudonné aussi. Et donc choisis tes idoles. C'est de l'avoir mis sur le CV surtout. C'est pas mes idoles j'aime bien et du coup on en prend plein la gueule tout le temps. Et donc je voudrais qu'on en parle la semaine prochaine. On va parler de ça parce que j'ai l'impression que sous couvert de trolls maintenant, il y en a qui disent des choses et qui se permettent de dire des choses. Ouais. Mais c'est des trolls, non, c'est juste assez hallucinant quoi, ouais, vraiment. Je pense qu'il y a pas que des trolls mais bon. Et il y a beaucoup de gens qui sont sérieux et je pense que ça peut être intéressant. C'est devenu un métier, je pense aujourd'hui. Troll, oui, c'est pas faux. Ouais. Non mais on grave. On en a quelques-uns. Ouais, on pourra parler du film danois aussi, Trollhunter. Ouais, Trollhunter. Débat très intéressant, j'en ai ras le bol du trolling et du noobing perso. Bah tu vois Marator, j'espère que tu seras la semaine prochaine. On va en parler parce que franchement moi ça commence à me gonfler. C'est un truc de dingue sur les et en plus c'est terrible parce que tout ça, ça peut très vite découler avec le harcèlement et il y a des accidents, il y a des jeunes qui se suicident à cause de ça et c'est terrible. La différence entre la génération de maintenant et la nôtre, c'est que nous on nous cassait les couilles à l'école, mais quand on rentrait chez nos parents, on était chez nos parents. Voilà. Maintenant le truc c'est qu'avec ça les réseaux sociaux, ça te Facebook, suit partout, quoi. Twitter, le pauvre gamin qui est harcelé toute la journée, il rentre chez lui et sur son mur Facebook tout le monde l'insulte, c'est terrible. Donc, et vous pourrez troller l'émission. Et vous pourrez troller sur le chat. Et si vous pourrez le débat comme ça, la boucle sera coupée. Le troll ça pue, c'est clair, les trolls ça pue grave. On nous dit bon bref, on en parlera la semaine prochaine. Mais là on va parler un petit peu de Kona, qui est un petit jeu comme ça qui est sorti nulle part. Alors je vais vous balancer la bande son, qui est quand même fort sympathique. On va se plonger un peu dans les années 70 au Québec. Alors je sais pas pourquoi je prends cet accent là. Du sud. Le Québec du sud. Le beau Québec. Ben le truc c'est que l'accent québécois je le tiens moyen, pas toujours quoi. Tu le tiens pas. Ah, mais c'est vrai que ta gueule, lui, le gère de ouf. Mais t'as pas de nac. Écoutez-moi cette petite bande-son. Alors, Kona, c'est édité et développé par Parabol. C'est sorti le 17 mars 2017. C'est un jeu d'action survival horror aventure. C'est un jeu solo. Et c'est déconseillé au moins de 18 ans. Yes. Voilà. Alors, je sais pas, Coco, tu veux nous parler de l'histoire ou tu veux que je me lance L'histoire. Après, ça va être très rapide. On va pas passer une heure dessus. C'était histoire qu'on en parle parce que le jeu déjà n'est pas très très long en lui-même. Il nécessite quand même entre 15 et 20 heures de jeu, je pense. Il coûte 19 euros. Il est sur Steam. Il est sur le store. Je l'ai pas dit. Il est sur PlayStation 4. Attends, tac tac, que je retrouve la liste. PC, PS4, One, Mac et Linux. D'accord. Et on commence une histoire. Alors par contre, j'ai fait un reset des noms. Alors il s'appelle Carl Faubert. Voilà, Carl Faubert. On incarne Carl Faubert, donc détective de son état, qui est envoyé dans une petite bourgade donc nommée Kona pour enquêter sur le meurtre d'une personne là-bas. Ouais. Et en chemin, donc il s'arrête parce que on va dire un pont, une voie d'accès est fermée. Donc il descend de sa voiture, première chose, donc c'est en vue à la première personne, et on va être à côté d'une tour de garde et dans laquelle on va trouver des pinces qui vont nous permettre tout d'abord d'ouvrir ce portail nous donnant accès au chemin qu'on doit suivre. Et passer ce petit pont là, on va avoir un accident de voiture avec une voiture qui nous arrive en face. Et on est inconscient suite à cet accident. On se réveille, le paysage a totalement changé, la brume recouvre tout, tout est blanc et tout est sous la neige. Et tu sors de ton véhicule, tu vas à la rencontre du véhicule que tu as failli percuter qui est un petit peu plus loin, tu trouves une photo, tu trouves des papiers d'identité. Et à partir de là, tu vas, puisqu'on te dit que ton corps est en train de se refroidir, que si tu te refroidis trop, t'auras plus les idées claires et que tu risques de sombrer. Donc, faut vite que tu te mettes à l'abri et que tu te réchauffes. Et tu commences à marcher dans cette neige. Tu distingues une sorte de bâtiment un peu loin, une sorte de drugstore hein, qui va être un petit peu le hub central de l'histoire. Et à partir de là, tu vas te mettre à enquêter sur donc la disparition d'un homme, mais fait très étrange comme dans beaucoup de jeux de ce type-là. Eh bien, la ville est une ville fantôme. Il n'y a plus âme qui vive ici. C'est assez angoissant. Hein. Tu vois que les choses sont restées comme si les gens avaient un petit peu soudainement disparu. Ça m'a un petit peu fait penser à celui qu'on avait fait il y a pas très longtemps où tu suivais les petites illuminations. Dans le Everybody Gone to the Rapture. Exactement. Voilà. Donc un peu en moins champêtre. En moins champêtre, oui, et en beaucoup plus blanc du coup parce que tout est sous la neige. Très bon sound design ceci dit, dans le sens où au bout de 20 heures t'en as un peu marre de sentir siffler le blizzard à moins de 12 peu, hein. Mais voilà et concrètement tu vas avancer, tu vas du coup te mettre à fouiller les maisons pour essayer de recueillir le plus d'informations sur et les habitants qu'il y a eu et en même temps enquêter sur cette histoire de on va dire plus ou moins de disparition sur laquelle tu avais été mandaté. Et voilà. Et du coup, tu vas te mettre à découvrir la vie qu'il y a eu il y a très peu de temps dans ce village-là. Et tu vas tomber sur des phénomènes assez peu communs. Et du coup, à toi de survivre à tout ça. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est un vrai jeu d'aventure dans le sens où, on papillonne un peu de chalet en chalet. Et donc le truc du gameplay, c'est qu'il faut se réchauffer. Et donc on peut ramasser des bûches, il faut ramasser de l'allume-feu, des allumettes. Et dans chaque petit cabanon, il y a un poêle. Donc en fait, il faut à chaque fois. Donc dès que t'arrives dans le cabanon, sur les côtés, il y a une bûche, tu la prends, tu fais ça, et comme ça te permet d'avancer au fur et à mesure, un peu comme dans Zelda au final le dernier, où si t'as pas suffisamment d'équipement ou quoi, tu vas mourir de froid comme une merde quoi. Et au final, tu papillonnes un peu comme ça, de petit chalet en petit chalet, et on va raconter juste une énigme comme ça. À un moment, le truc, c'est que t'es totalement libre, et tu te retrouves, y a une espèce de... C'est la caverne de glace, je crois ça s'appelle. Et tu peux pas y aller parce que t'as froid. Donc il faut le petit manteau, il faut le petit gilet, comme dans Zelda, c'est l'idée. Et au final, tu rentres dans une espèce de cabane, et tu te fais tirer dessus. Il y a un espèce de vieux... Alors lui, il a un accent québécois, pour le coup, c'est un truc de dingue. Le mec qui le double, je pense que c'est un gars du Québec, mais un vrai de vrai, profond. Tu vois. Mais ah ouais, grave. Québec profond. Et lui, il te dit, moi, écoute, j'ai des sapes, je pourrais te les échanger contre telle chose. Et puis voilà, t'avances comme ça, en récupérant. Alors il dit, moi, il cherche du caribou. Alors le caribou, c'est de l'alcool, apparemment. C'est de l'alcool de je sais plus trop quoi. Il faut des ingrédients. Bon, spoil pas, mais... Mmh. Et si t'as pas bien fouillé, le truc c'est qu'il te faut une bouteille vide, il faut l'huile un alambic, donc il faut certains ingrédients et tout, donc tu retournes papillonner un peu comme ça. Sachant dans l'univers. Sachant que la recette, tu as la recette de ce fameux caribou à lui préparer, mais tu peux être passé 10 fois dans la maison, si t'as pas vu que sur le mur à un endroit t'avais marqué cette recette, le caribou tu peux toujours chercher ce que c'est quoi. Et donc voilà, ça vraiment, ça t'oblige à chercher le moindre détail, la moindre note pour avancer. Et donc il y a ce côté-là qui est quand même ultra poussé. Ouais, et d'ailleurs, cette musique qui est hyper récurrente. Et cet homme-là qu'on croise, c'est le seul être vivant qu'on croise dans le jeu, hormis après une faune locale avec des dents et qui font ouh. Mais je veux pas spoiler, je veux pas tout dire aux gens. Quand même. Non, non, bah ouais. Là, j'ai vu des images. Pas, non, voilà. Ben, je laisse planer le mystère. Après, voilà, t'as des armes, tu peux trouver des haches. Il y a plein de choses. Hein. T'as des armes. L'inventaire à feu, est limité en termes de poids. Et du coup, la gestion de l'inventaire est assez compliquée aussi, parce que ben, t'as besoin d'avoir tout le temps au moins une bûche sur toi, une allumette et un allume-feu. Mais par contre, voilà, pour te défendre, si tu peux avoir une hache, ça peut être bien aussi. Mais le problème, c'est que la hache, elle est lourde, elle prend de la place dans ton inventaire. Et des fois, donc, tu te dis, bon, pour attraper ça, je vais être obligé de vider un truc. Le problème, c'est que pour gagner de la place dans l'inventaire, c'est en termes de poids et ben, les trucs le style léger, comme une bouteille, il faut en vider plein. Et résultat, tu te retrouves pour moi dans un gameplay des fois qui du coup ben, est plus pénalisant qu'autre chose, ou surtout en tout cas pas justifié, dans le sens où pour une bûche, une petite bûche à prendre, t'es obligé de foutre les trois quarts de ton inventaire au sol. Ouais, ça c'est chiant. Tu prends ta bûche, tu vas allumer ton feu et tu récupères tout ton inventaire. Ouais. Alors après, alors c'est aussi le gameplay que moi j'ai choisi de faire qui a induit ça aussi, parce que on a la possibilité à un moment donné dans le jeu d'être véhiculé. Sauf que ben moi, comme je me prenais au jeu, je me suis dit bon ben voilà, j'avais vu la liste des trophées en amont et il y en avait notamment un qui disait faites le jeu à pied, ne prenez aucun véhicule. Oui, alors ça peut être long, ça par exemple. Était ben je pense que c'est pour ça que ça justifie mes 20 heures de jeu dessus. Ah oui, mais t'as fait le platine ? Non, ah j'ai pas fait le platine, non, parce que au final il a pris un véhicule. Non, parce qu'en définitive, il y a trop de platines qui te donnent trop de trucs pénalisants pour nécessiter qu'une seule run de jeu. Parce que sinon, pour le platine, faut pas boire une seule goutte d'alcool, faut pas fumer une clope. Ça, j'ai eu les deux. Faut pas. Ouais, c'est étonnant. Sauf que moi, avant d'avoir la pelure sur le dos pour pouvoir aller dans le truc de glace, j'ai dû arpenter à pied beaucoup de distance et donc du coup moi pour me réchauffer, pour me redonner un peu de morale parce que l'alcool redonne un peu de morale, voilà, j'ai bu un une bouteille de bière. Donc du coup déjà la première bière bue, tu dis merde, je me suis déjà flingué le platine, enfin d'emblée, tu le sais. Donc et y en a plein des trophées comme ça. Donc du coup je me dis non, je vais continuer mon délire parce que je pense qu'ils ont prévu de pouvoir le faire. Et effectivement c'est intéressant de tout faire à pied parce que la gestion de la température du corps, ça rend bien. Tout hein. Ça c'est bien. Tu sens voilà, qu'il commence à. Tu sens qu'il y a vraiment un truc en plus à porter au gameplay. Ça fait monter un peu sa jauge de stress. Tu sens ça fait qu'il monter sa le gars il est au bout du rouleau. Tu vois que la vue se trouble et il peut plus courir aussi longtemps et aussi vite. Est-ce donc, que c'est pas un jeu qui aurait mérité d'être en VR? Eh ben alors plus ça va, plus ce type de jeu, je me pose la question. Parce que franchement, pour avoir fait donc Everybody Goes to the Rapture, je me rêve une mise à jour. Hein. Il aurait été très très bien. Everybody Goes to the Rapture, je pense que parce qu'il y a une vraie gestion de la lumière du passage jour nuit. Que là, c'est tout le temps le même décor. C'est tout le temps blanc très sous blanc. La neige avec du vent et tout le temps de la particule blanche qui te passe devant. Et il y a un seul passage qui est vraiment nuit où là, enfin franchement, si j'ai fait un screenshot, ne serait-ce que, alors je l'ai envoyé à Thibaut, à Bibine, je lui ai fait voilà le passage où je suis. Thibaut qui a une télé avec une luminosité pas très contrôlée, ne voyait pas l'écran. Je lui dis ben là en fait je suis dans la nuit, dans la neige. Et ouais. Et je voyais mais que dalle. Et après tu finis par trouver une espèce de lampe frontale machin qui te permet de. Mais sinon non c'est tout le temps blanc. Et moi je pense que OVR trop de blanc, tu le blanc. En plus, j'ai un doute parce que le jeu tourne sous Unity et j'ai un doute sur le patator du moteur Unity. Je pense pas que pour un jeu VR. On le voit déjà, ne serait-ce que sur console. Ouais. Moi, dans les autres modes, c'est un jeu qui est très limité. Hein. Avec ce gameplay un peu approximatif de la gestion de l'inventaire, c'est notamment. Je voulais en venir. Bonjour, bonsoir. Vous faites quoi ici ? Qui êtes-vous ? Graphique, je pense. Oui, par rapport au graphisme, dès qu'on va changer de zone, on est averti hein, concrètement si on avance dans le jeu, parce qu'en changeant de zone, il y a des espèces de temps de chargement. Mais c'est-à-dire que t'es en train de courir, le jeu se fige pendant 30 bonnes secondes. C'est assez rigolo quand on véhicule. Parce qu'en gros, c'est hop, ça rentre. Putain, le jeu il a frisé de ouf. C'est assez terrible, ouais. Mais surtout quand au début ça va parce que tu fouilles bien comme il faut et tout. Puis il y a des moments où tu commences à faire des allers-retours. Alors dès que tu chantes. Puisque le jeu commence, on est en voiture sur une route en train de dire oui, voilà, bonjour, c'est l'histoire de machin qui va enquêter sur. Donc tu roules et hop, t'arrives avant le pont. Gros temps de chargement et hop, ça se débloque. Donc après tu dis bon, c'est parce que c'est le début du jeu et tout, c'est parce que t'es en véhicule et que t'avances assez vite et comme les textures ont du mal à arriver, voilà, il faut qu'ils recalculent machin. Ben non, parce que même quand tu le fais à pied et que tu marches, t'as ce temps de chargement là quoi. C'est des points clés en fait qui chargent quoi. Ben c'est des entrées de zone en fait et dès que tu rentres dans une zone et que tu sors dans une zone, alors tu peux aller partout, mais tu vas avoir plus ou moins d'entrées de sortie de zone. Et alors après. Pour en revenir au graphisme, c'est vrai que les extérieurs sont sympas malgré le fait que ça soit tout caché par un blizzard omniprésent, mais les intérieurs sont quand même cool. Ah, oui, et quand tu rentres, tu sais, t'as cette ambiance, tu sais, maison en rondin, machin, le petit poil qui est là, tu vois, il y a des jeux d'échecs, alors il y a un trophée pour ça d'ailleurs, il y a quelques jeux d'échecs qui traînent. Et si tu joues les parties, machin, ils se débloquent. Parce que les gens sont partis en laissant la partie en cours. Et tu sais pas trop quoi. Toi, le village est déserté et pourquoi ? Il y a des clopes dans des cendriers, des clopes. Alors elles sont pas encore fumantes, mais par contre, on voit que la clope, elle est pas là depuis très longtemps quoi. Ouais. Yes. Donc il y a une vraie atmosphère dedans. Et puis voilà, après sans spoiler, on va découvrir des restes. C'est l'ours bleu qui est responsable. Un peu ça. En fait, il y a des gens qui l'ours sont bleu. Sous des espèces de grands glaçons, et à toi de comprendre également. Ouais. J'ai vu des images, j'ai cru que c'était Game of Thrones avec les marchands. Tiens, il y a Masamune Neto qui vient d'arriver. Putain, t'arrives à la fin de l'émission, c'est con. C'était avec lui justement qu'on parlait des trophées sur Twitter. T'écouteras le replay, puis tu me diras ce que t'en penses. On en a parlé longuement, presque une bonne demi-heure. Mais voilà. En tout cas, voilà. Franchement, Kona, c'est un jeu qui sortait un peu de nulle part. Bon, alors c'est vrai que OVR, franchement, il prendrait un peu. Mais déjà, faire comme ça, moi, j'ai bien aimé quoi. C'est le genre de progression que j'aime bien, où on te dit, genre, des fois, t'arrives, t'as un bout de ficelle, puis à côté, il y a le petit logo, il te manque un aimant. Ok. Puis un peu plus loin, dans une autre maison, tu trouves l'aimant. Donc il faudra te rappeler dans quel chalet t'as trouvé la ficelle. Et ensuite, t'assembles le truc. Et puis à un moment, t'arrives devant une guitoune, genre des toilettes sèches. Et il y a un petit trou et tu dis ah bah ouais. Et bah ouais, il y a un truc au fond. Donc si j'avais la ficelle plus l'aimant, donc ça te force un peu à fouiller un peu partout. Et franchement, c'est très très bien. C'est très très bien. Tu veux qu'on fasse les plus les moins ou tu veux qu'on continue Non, vas-y. Après, comme l'intrigue en tout cas n'est pas forcément très longue, sauf si tu fais tout à fait comme moi. C'est un jeu, voilà. Si on vous en dit plus, on va vous donner d'autres éléments sur la fin du jeu. Donc non, on peut attaquer pour moi les plus et les moins. Yes. Alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais si vous avez accroché à Vanishing of Ethan Carter et c'est Everybody Gone to the Rapture. Ouais, j'arrive pas à m'y faire celui-là. Vous allez vraiment kiffer Kona. C'est vraiment du très très bon dos. Moi, dans les points négatifs, j'avais les temps de chargement. C'est vrai qu'ils font un peu flipper en fait, parce que c'est vrai que t'es en train de tracer, d'un coup t'as tout qui s'arrête. Mais surtout quand t'es poursuivi par des loups, par exemple, dans la neige, tu cours et tout d'un coup tout se fiche. T'entends les loups continuer d'aboyer, toi en train d'haleter, mais plus rien ne se passe. Non, grave. Ça et puis les animations, peut-être qu'ils sont un peu à la peine, quoi. Surtout, il y a des loups, des trucs. Il est pas beau graphiquement. Après, il y a une vraie ambiance. Après, voilà, faut pas être phobique du blanc et du vent. Non, c'est sûr. Faut pas être trop frileux, quoi. Voilà. C'est un peu le truc. Et puis dans les plus, moi j'ai bien aimé l'ambiance. L'ambiance, j'ai kiffé parce que justement, t'as toujours une voix off qui est assez sympathique dans le sens où toi t'es un personnage et genre t'as un mec, toi genre t'avances dans une allée et la voix off a fait. Il commençait à avancer dans l'allée. Tu vois, genre, elle raconte ce que tu fais, tu vois, un peu. Et donc, c'est pas mal parce qu'il y a des moments où tu t'apprêtes à faire quelque chose et la voix off te dit un autre truc. Tu fais, ah! Donc, en fait, il a peut-être allé par là, tu vois. Donc, j'aime bien cette mise en scène-là. La narration qui est cool, j'ai bien aimé, enfin, le fait, l'histoire et tout. Et surtout, la traduction française en québécois, moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà, que le mec parle en québécois. Alors, le narrateur a pas un accent de ouf, mais le personnage que tu croises, un accent à couper au couteau et c'est génial. D'ailleurs, faites attention. Parce que c'est traduit en français, mais pas vraiment en français, c'est en québécois. Donc il y a parfois des termes qu'on comprendra pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ma blonde. Dans l'idée. Mon char, voilà. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Grosso merdo. Québécois dans l'âme, ta gueule ? Oui, ma cousine. Il dort dans une canadienne. Voilà, je dis ça, je dirais une canadienne. Et pas la tante. Yes, après, vas-y, Coco, t'es plus, t'es moins. Je trouve que oui, les plus, donc en termes d'histoire, d'immersion, c'est très sympa à faire. Pour une fois, je trouve que c'est un jeu donc qui n'était attendu de nulle part, donc personne n'avait non plus de grosses attentes dessus. Ouais, grave. Je trouve que pour une fois, c'est un jeu qui sort au bon prix. concrètement, un jeu où tu peux faire 20 heures à 20 balles, tu te dis, t'es sur du 1 euro de l'heure. Ouais, pour une petite expérience sympa, ça passe. Alors après, je trouve que le gameplay en lui-même est quand même ultra vieillissant. Ça met pas en exergue toutes les magnifiques capacités de la machine. Pour un jeu sous Unity, ça fait quand même beaucoup souffler la PS4. Ah ouais. Ouais. Donc il y a, enfin, c'est ni réellement beau. Ni réellement bien fait, mais les mécaniques fonctionnent même si tu jouerais pas 60 heures à un jeu comme ça. Ouais. Concrètement. Oui, non, mais c'est... Donc, c'est bien amené, c'est pas trop dur, tu vois, t'avances, tu trouves les solutions, des trucs, c'est ça que j'aime bien. Enfin, moi j'ai quand même galéré à un passage, alors c'est peut-être moi hein, qui suis pas, mais du coup, comme je faisais tout à pied, je finissais vraiment par me dire le fameux passage où t'arrives devant le mur de glace que tu dois oui. faire ouvrir en fait. Ouais. Une fois que t'as fait, on va dire, la première zone de la map, ben moi il me manquait une entité. Ah oui, bah moi aussi, une silhouette quoi. Et tu te dis, mais attends, je suis allé partout, j'ai plus ou moins, mais je voudrais pas spoiler, mais enfin voilà, j'ai plus ou moins compris qui étaient ces trois entités là, mais cette quatrième qui pour l'instant, je sais même plus comment j'ai débloqué ce truc là. Eh ben moi, mais c'est à force de marcher, de me dire, je vais essayer de refaire chaque maison, donc j'ai coupé par des raccourcis, j'ai pas suivi les routes. À un moment donné, je suis tombé sur un truc en disant, ah ben c'est ça. Eh oui. C'est là. Mais comme j'ai tout fait à pied, ça a mis un temps incommensurable. Et ouais. Parce que j'étais, mais non, mais cette maison, je l'ai faite, je l'ai retournée, celle-là, je l'ai retournée. Puis des maisons, il y en a pas, je crois qu'il doit y avoir 9 chalets en tout. Ouais, voilà, tu te dis, enfin, voilà, quand t'as fait ils sont super espacés, alors du coup, parce que ouais, ils sont pas forcément dans le même endroit. Après, la map, elle te paraît grande, ça te paraît long pour y aller, mais c'est parce qu'il va te falloir beaucoup d'endurance, tu vas pas pouvoir courir longtemps pour y aller. Après, il y a des véhicules, hein. Voilà, alors, on peut pas trop vous spoiler, mais. Qui est ta voiture. Tu vas visiter également un chalet, tu vas voir qu'il y a des morceaux d'une motoneige, tu vas trouver un phare ici, une chaîne là, tu vas pouvoir essayer de réparer ce motoneige. Ce motoneige, il va pouvoir aller dans des endroits où n'accédait pas la voiture. Et là, effectivement, tu vas pouvoir aller de chalet un peu plus vite. Mais c'est pas tant qu'ils soient éloignés, les chalets, mais c'est que le temps entre le froid, le vent, ouais, et le fait que tu marches pas vite, et que même quand tu cours, tu vas courir, mais pas longtemps. Tu mets vachement de temps quand tu veux aller du bas de la map jusqu'à la moitié de la map. Et bah, du coup, quand tu cherches un truc que tu trouves pas, ouais, c'est chiant. Ouais. Voilà. Après, il y a des petites idées sympas, genre après on va se quitter là-dessus, mais il y a genre un puzzle. Et vu que t'as froid, en fait, il y a une petite molette que tu tournes. Et en fait, c'est un chauffage, tout bête, un chauffage en fonte. Ah, oui. Et tu tournes la petite molette et genre bah, dès que tu te mets à côté, il se réchauffe, tu vois. Alors que t'es en extérieur et tout, j'ai trouvé que c'était une bonne idée ça. Ouais. Du coup, ça te permet de faire le puzzle et d'avoir le temps que tu veux pour pouvoir chercher quoi. Yes, en tout cas, Kona, c'est un jeu qu'on vous conseille, franchement. Moi, je pense que c'est un jeu qui finira au PlayStation Plus. Ça se tient, ouais. Vu qu'on a eu Everybody Vanishing of Ethan Carter, ouais. Soyez patient et puis peut-être dans le courant de l'année, peut-être pas, mais l'année prochaine, je pense que ça se tient. Yes. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette émission ce soir encore. Ça déglingue. Vous étiez nombreux sur le chat. Ça a bien réagi, là, sur le débat sur les trophées succès et tout. Le replay sera en ligne dès demain, Facebook, iTunes et PodCloud. Et puis voilà, si je partagerai tout sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas, d'ailleurs, à nous rejoindre. Facebook, Twitter. Ça fait toujours plaisir. Et à nous suivre sur les streams. Demain, putain, il reste une heure pour The Last of Us et on est à la fin. Ah, on est au tout très, à la très fin. Bon, ce jeu. Aïe, aïe, aïe, aïe. On est à la fin, à la toute fin. Et ensuite, on enchaîne avec Yooka-Laylee. Ah ouais, mais à mort. Mais en fait, j'ai moins galéré, cette fois-là que la fois d'avant. Ah ouais. Eh ouais, je sais pas pourquoi. Même si j'arrête pas de rager parce que je viens de faire Uncharted 4 et Joël, il fait pas des roulades, hein. Ah non. Mmh. Donc il y a des moments où tu fais honte. Ah ouais, putain, mais c'est même pas qu'il est raide, quoi. C'est que, il a un balai dans le fion. Bref. Alors il y a t'as vu les images, excuse-moi je te coupe, vas-y. Mais justement de l'adaptation cinématographique de The Last of Us. Ah non. Avec, je te le donne en mille, dans le rôle Gérard Jugnot. Non. qui c'est que tu nous disais que tu voyais bien du coup après avoir vu le film? Ah bah Hugh Jackman. Hugh Jackman, ouais. Eh ben ce serait une adaptation avec Hugh Jackman et Ellen Page. Ah bah oui, il est bah ouais, en même temps, j'ai pas vu le dernier Wolverine, enfin j'ai pas vu le Ah bah Logan, ouais, non, ça se tient Logan, mais ouais. Quand j'ai vu le trailer, je me suis dit putain, c'est vrai qu'en Joel il pourrait Ah bah oui, ah bah et non mais eh ben il commence à y avoir, alors je sais pas si c'est de l'intox ou ouais. Mais il y a eu des photos où on le voit coiffé à la Joel et avec Ellen Page yes. Pour un prochain Ellen film Page, adapté voilà, déjà les ruines ressemblent à Ellen Page. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se tient ouais. Et puis enfin, elle a de gros liens Page avec le domaine du jeu vidéo. Oui, aussi, elle a beaucoup travaillé avec David Cage de ouais, Quantic Dream, de voilà. Ouais, c'était un putain de jeu ça. Yes. Tiens, on nous dit sur le chat, c'était ma première et je reviendrai. Bah écoute, bon, je t'envoie les applaudissements. Bisous les moustachios, on nous dit. Bisous les gars, moi j'attends Brice aux events RGB. Nom de Dieu, boum, ramène tes fesses. Oui, bon, je vais. Ça sert à quoi? Oui. Voilà. Yes, non, mais oui, carrément. Et là, je vais venir avec la poussette tout terrain et tout. Bisous les poulets, à la semaine prochaine. Instant promo, vas-y. Ah, vas-y, vas-y. Fais l'instant promo alors, ou quoi? Vas-y, fais l'instant promo qui toi t'intéresse. C'est parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Ah, vas-y, vas-y. Ah, ben, ça t'intéresse aussi, c'est le vide-grenier geek qui a lieu. Ce dimanche de Pâques, donc venez, même si vous vouliez voir des cloches, voilà, vous voulez voir des cloches, venez merci. Récupérer, voilà, plein de geekeries, même si c'est pour faire qu'un tour et voir vos vieilles consoles, même si vous achetez rien, c'est toujours sympa et de nous dire faire bonjour. Des bisous. Ouais, pour faire nous des voir bisous aussi, parce carrément. Qu'on est pas parce méchants, y aura on est les gentils. RGB, on est gentils. Y en a qui disent oh c'est comme une expo, bah oui, et en plus c'est on s'expose gratuite. Nous et en plus on s'expose nous, voilà, donc c'est quand même pas mal quoi. Venez j'avoue. Juste voir. Et en plus c'est un vide grenier geek. Pour voilà, les mecs un ça. Peu comme moi, dégoûté. Ben, Tagazu, j'espère que tu seras là d'ailleurs dimanche. Ah oui non mais je vais carrément. Oui, Tagazu, lui va faire une brocante n'importe où. Il revient avec des jeux vidéo genre pas cher. Moi j'ai fait une brocante partout en France. Je reviens avec trois pots de confiture vides et une vieille tenaille rouillée, mon pote. C'est ça. Voilà. C'est trop. On a tous la même galère. Hein. Ouais. Il y a que Tagazu, mais c'est grave. Voilà, je soupçonne qu'il mette des jeux de sa collection et qu'il fasse des photos après. Voilà, après c'est ça. Non mais je carrément. Fais ça pour faire rager yes. Les gens. Voilà. Bon, on se retrouve là-bas alors dimanche. Hein. À Talence. Et Quentin, t'avais une ouais. Autre instant du coup, promo. Instant promo, c'est je pour... vends une Renault 21. Alors, t'en as une non? Non, je n'ai pas le permis. Comme ça au moins, c'est réglé. Non, pour dire, on sera le samedi 20 mai au Meldon. Donc ça, c'est pour ceux qui nous écoutent et pour les RGB qui viennent d'adhérer à l'association. Donc on sera au Meldon le 20 mai pour une soirée, notre première soirée avec le Meldon. Yes. Avec tournoi NBA Jam. Oh putain. Donc je le dis, je le dis parce que t'es là, Tagazu. Ouais, parce qu'on l'a gagné les derniers tournois NBA Jam. On est les champions Quentin, en titre du NBA Jam. Titre, alors, donc il faudra que tu sois là pour maintenir cette position. Et les pour voilà pour que l'équipe soit encore soudée. De bâtard. Voilà. Tournoi Puzzle Bubble sur 64. Un scoring sur du Vectrex. Donc là vraiment la vieille bécane. Il y a du vieux. Et là, on mettra aussi venir avec les lunettes 3D rouge et pas les RGB hein, quand il faut des tournois, c'est sur des vieilles bécanes. Voilà, hein, donc le 20 mai on vous attend et venez jouer avec nous, venez participer au tournoi, il y aura des lots, il y aura tout ce qu'il faut et puis on sera là pour vous accueillir. Yes, bon ça pète. Allez, bonne soirée à tous. À l'écoute d'Ode Radio. Putain, et d'habitude, mais je suis comme un dingue. Avant c'était le mardi, maintenant c'est le lundi et Iceland, je suis refait quoi. Ah oui, voilà. Parce qu'avant fallait se dépêcher. Et d'ailleurs, 21h37 si vous habitez à Bordeaux, 21h37, il y a l'ISS encore qui passe. Ouais, elle passe toute la semaine là, tous les soirs, 21h37. Vous levez les yeux un peu, vous verrez, c'est comme une petite étoile, sauf qu'elle va à 27 599 km/h. Donc elle passe assez vite si tu clignes des yeux. Bah en fait, elle fait le tour du monde en 90 minutes. Donc c'est très rapide. Mais j'ai fait des photos hier soir. Je vais retenter d'autres. Ouais, je vais retenter d'autres ce soir. J'ai sorti le téléobjectif. D'habitude, il sert pour la voisine, mais là, je vais désorienter le dos. D'habitude, il regarde une lune, mais pas, c'est pas la même. Elle est pas aussi brillante. C'est exactement ça, quoi. Allez, gros bisous les poulets. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous, bisous, ciao, ciao. La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Vous écoutez O2 Radio. Vous écoutez O2 Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3.